Bienvenue dans Ce soir c'est JDR, un podcast de jeux de rôle où des imprudents ont décidé de me confier leur sort pour quelques sessions aventureuses. Les imprudents de ce soir ont choisi de s'aventurer dans le système PBTA Monster of the Week. Leur groupe de chasseurs est composé de Vera, qui joue l'étrange Edna Ravenwood, Cerveau, qui incarne l'appliqué Daria Moore, et Bracard, interprétant le haut en couleur Richard Beck. Réussi. Oui, sûrement. Non. Allez. De toute façon, on attend que Brack soit revenu, bien entendu. C'est toujours les mêmes qu'on attend. Ça va pour le son, pas trop fort? C'est bon. Ah, pas trop tôt. Comment ça va pas trop tôt? Non mais t'auras des malus, hein, c'est tout. Quoi? J'étais là le premier? Alors c'est faux, j'étais là le premier. Mais on va venir te chercher. Ouais, sinon vous je croyez. Fais quelque chose que j'ai, je prends un nouveau talent, je reprends Eldange et je me casse d'ici, hein. Pour venir à la cellule, je serai plus dedans. Non, c'est trop tard. Tu as choisi, tu n'as pas choisi ça, c'est mort. Je sais, mais encore 2 d'XP, c'est bon. Il va faire des jets à la con, tu sais, juste pour gagner de l'XP, quoi. Laissez-moi faire les jets. J'avais échoué mes jets. C'est le coup, tu vas tous les réussir, tu vas en l'air d'un con. Ben, je m'évaderai autrement, alors. Si je réussis mes jets. Alors, bon, ça a l'air de fonctionner tout ça. Est-ce que tout le monde est prêt? Pourquoi ça ne devrait pas? Oui. Ouais. Et pourquoi ça devrait pas? Parce que, attention, j'ai fait comme si je savais le faire des fonds et tout pour un stream, attention. Eh bien, que vous est-il arrivé la dernière fois? Des petites brûlures. Oui. Ça, vas-y, Daria. voilà. On a eu vent d'un disparition slash massacre proche d'un lac, dans une forêt. On s'est dit, faut qu'on aille voir. Juste disparition. Après, vous savez pas ce qu'il en est advenu. Mais oui, c'était une disparition de masse, une douzaine de jeunes à peu près. On est allé voir, Edna a pris contact avec un esprit qui avait perdu sa mâchoire inférieure dans le lac, alors que Richard sympathisait avec un garde-chasse. Oui, sympathisait avec mon portefeuille. Ouais. Ensuite, on a pu identifier un des jeunes survivants qui serait le fils d'un tueur en série qui avait déjà commis des meurtres ici, puis qui se serait échappé. On a trouvé des traces de griffes et de poils chelous sur les arbres, ce qui nous a permis d'identifier des Wendigo. On s'est mieux équipé en apprenant qu'ils craignaient la chaleur grâce à la bibliothèque. On est retourné avec des chalumeaux. J'espère que cette hors-la-loi de Richard a payé l'amende qu'il devait pour avoir détruit cet environnement naturel avec sa moto. Oui, bien sûr, voyons. Payé. Et Richard est allé faire un petit peu de plongette pour trouver la mâchoire inférieure quand on a entendu des cris. C'était le garde-chasse qui se faisait bouffer, on sait pas s'il est vivant ou pas, par des jeunes Wendigo. J'en ai cramé trois. Et Edna et Ricky étaient mal en point. On est rentré, les a déposés à Rouen. On est tous allés à l'hôpital pour se faire soigner. Ricky était resté un petit peu plus. Il a réussi à ne pas bouffer un petit vieux, mais il s'est bouffé le bras, raison pour laquelle il est interné. Je crois que j'ai rien oublié de... Je crois que c'est à peu près ça, effectivement. Non, avec ça. Juste un petit détail, c'est que quand je suis rentrée en communication avec un esprit local, je suis donc tombée sur un esprit qui avait perdu la moitié de sa mâchoire dans le lac, qui était une ancienne victime du tueur en série, père du rescapé du dernier enlèvement de masse. Apparemment, cette jeune femme a protégé le fils d'Hammer et son ami, et c'est la raison pour laquelle ils en ont réchappé. Ils ne savaient pas que c'était Tibi, le fils de notre tueur en série. Et depuis, elle a choisi de prendre mon corps comme vaisseau pour se déplacer. Donc voilà, elle s'en sert de moyen de transport pour s'éloigner de ce lieu maudit qu'elle n'aime pas. Et donc, je me la trimballe depuis le début du scénario. C'est l'endroit où elle est morte. Elle est restée bloquée là pendant combien d'années, je ne sais plus, une quinzaine d'années, quelque chose comme ça. C'était à 15 ans, tu avais dit. Une quinzaine d'années. Donc première fois, elle-même, la première étonnée, à réussir à quitter ce lieu, à s'éloigner de son ancre. Donc forcément, elle se trouve bien là. Vous aviez remonté, Ricky avait remonté la mâchoire. Oui, je l'avais remonté, je l'avais dans ma poche. Alors, je sais pas où elle est passée maintenant. Mais... Ça, c'est une très bonne question. Étant donné que vous avez dû partir à l'hôpital très très vite et que tes affaires personnelles sont là-bas, est-ce que Daria ou Edna a pensé à récupérer cette mâchoire ou pas du tout? Bah oui. Et est-ce que je les crois sur parole ou est-ce que je fais un jet? Moi, je demande un jet. Hein. Personnellement, moi, je demande un jet. J'ai deux charpes. Ouais, je pense qu'un jet de charpe, c'est bien. Parce qu'il n'y a pas honnêteté sur la feuille, donc tu ne peux pas le demander. Ah, je ne fais aucune confiance à l'honnêteté des joueurs. Ah, il a pris quelques dents. Eh, tu fais bien. Non, Daria y a pensé, elle l'a pris. Après, peut-être que certains l'ont vu et la trouvent encore plus bizarre que précédemment. C'est pas trop une catastrophe à ce niveau-là. Je crois pas que ça dérange Daria Moore d'être... considéré comme quelqu'un d'original et peut-être un petit peu déviant. Un petit peu, mais elle a fait avec. Vous étiez parti, vous aviez passé la nuit chez toi, Daria, je crois. Non, toi, t'as pas passé la nuit là pour l'instant. Je suis enfermé contre mon gré. C'est pour voir justement où se trouvent Daria Moore et Edna. Quand vous aviez laissé Ricky à l'hôpital. Que t'avais encore des soins, je crois, à l'hôpital. Edna ? Oui, parce qu'elle s'est réveillée là-bas, ouais. Elle a passé la nuit là-bas. C'est vrai. Oui. C'est vrai que tu étais pas mal blessé toi aussi. Donc finalement, il n'y a que toi, Daria, qui était rentré chez toi. Ouais. Ok. Très bien. Eh ben, on va commencer d'abord avec Ricky. Ouais. Ricky, t'as eu une nuit un petit peu difficile, hein. Ah, il paraît, ouais. On va pas se mentir, ça n'a pas été la joie, hein. Et comment dire, tu as donc réussi avec un effort de volonté certain à te concentrer sur ta propre chair plutôt que sur celle du petit monsieur qui était dans le lit d'à côté. Bah, il était plus très frais et je préférais quand même. C'est vrai, il était peut-être pas plus très frais. Tout de suite, quoi, périmé. Sauf que assez rapidement, tu as réveillé ce petit vieux par les bruits que tu faisais, qui a hurlé, appelé les infirmiers. Les infirmiers sont arrivés pour essayer de te maîtriser. Il y en a eu un seul d'abord, mais il n'empêche que tu es l'élu et tu n'étais pas vraiment toi-même. Ah ouais. Donc il y a eu quelques coups d'échanger. Il y a eu plusieurs autres infirmiers qui sont arrivés. Et ils t'ont embarqué. Edna, tu as pu entendre les cris dans l'hôpital. Après, ça peut arriver. Tu t'en es pas inquiété au-delà pour le moment. Non, parce qu'il y avait eu un problème. Le fantôme de Ricky m'aurait contacté. Et là, j'aurais... Là, il aurait été trop tard, là. Il est jamais trop tard pour Edna. Mais là, pour l'instant, je ne panique pas. Et de toute façon, voilà. Très bien. J'ai confiance en Ricky. C'est les cris de Ricky, est-ce que j'ai reconnu Ricky ? Non, Ricky, lui, n'a pas crié, justement. Oh, bah non. Je me suis sûrement débattu, quand même. Non, peut-être, oui. Oui, tu t'es débattu, bien sûr. Je ne suis pas laissé faire non plus, on ne peut pas m'embarquer C'est exactement pour ça que je te dis qu'il y a eu pas mal de coups d'échanger, des blessures, ce qui, je ne suis pas sûr que ça ait aggravé ou arrangé ton cas. À savoir. Je ne serais sûrement pas laissé faire. Tu vas ouvrir les yeux et tu es chez toi quand tu te réveilles. Ah. Très bien. Ils ont quand même fini par me relâcher, c'est très bien. Tu as l'impression d'avoir pris... Chez moi où ? Chez toi, où tu veux, où tu dors d'habitude. Chez moi, ma maison, pas chez moi, le manoir familial. Non, pas du tout. Chez toi, ta maison. Ah. Tu as vraiment la tête à l'envers. T'as l'impression d'avoir pris une cuite monstrueuse, anthologique. Ok. T'as la bouche pâteuse, ça va pas. Tu vas te lever pour aller boire un peu d'eau. Quelque chose comme ça, et tu vas avoir le pied qui tape dans quelque chose. Donc tu vas devoir allumer la lumière, forcément. Oui, effectivement, oui. Et il y a un corps sur le sol. Encore ? Et tu regardes, il y en a deux. Il y a un homme, une femme, et du coup tu vas regarder autour, il y a une autre femme qui est dans ton lit de l'autre côté. Ok. Super. C'est tout. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Je les reconnais, ces gens ? Tu ne les reconnais pas du tout. Je suis bien chez moi. Tu es bien chez toi, ouais. C'est ton mobilier, c'est ton lit. Mais qu'est-ce que... je descends, je sais pas, je vais te faire un cauchemar, je pense. Ok, donc tu les enjambes et tu descends. Ah oui, excuse-moi, je viens de me lever, il y a des cadavres, je sais pas trop quoi faire. Donc je vais descendre en bas, quoi. À la cuisine, ou au salon, je ne sais pas. Ok, tu vas jusqu'à ta cuisine, tu te sers un verre d'eau et d'un coup tu te dis que t'as faim quand même. Donc tu vas ouvrir ton frigo. Et à l'intérieur du frigo, il y a des membres coupés. Il n'y a que ça. Aucune denrée. C'est pas chez moi du tout. Comestible, c'est bien ton frigo. Mais tu vois un bras coupé dans du cellophane, une main, et même un bocal dans la porte du frigo avec des yeux qui flottent. Ok. Je pense que je vais déjà me pincer une fois et me. Non. Au moment où tu te pinces le bras. Et tu vas te rendre compte que c'est le bras que tu te rappelles avoir mordu, sur lequel tu t'es jeté, t'as pas pu te retenir. Mais c'est vraiment la dernière chose dont je me rappelle en plus, ça. Donc Et vraiment, ça te revient en mémoire et pourtant il est intact. Et en même temps, à l'endroit où t'as pincé, ta peau fait un pli et ça te démange. Ça te gratte. Ça commence même à te faire mal. Et t'as un petit repli de peau qui est là. La texture est assez étrange, comme si c'était mou. Et tu vas pas pouvoir t'empêcher de commencer à te gratter. Oui, clairement. Je vais... Oui, ça aussi, et je vais surtout aussi faire ça. Je vais aller à la salle de bain et je vais me gratter et prendre un peu plus de lumière ou des miroirs pour voir ce qui m'arrive. Quoi. Tu vas voir sur ton bras, ça fait comme une plaque. Tu dirais pas un eczéma parce que la peau a l'air plutôt intacte, mais comme si elle avait un renflement et qu'elle se détachait, et c'est vraiment tout le long de ton avant-bras, c'est assez gros. Ok, ouais, non, je vais gratter, hein, mais. Tu vas. Si vraiment ça me démange à fond, je vais vraiment gratter. Hein. Ouais, ça n'arrête pas de te démanger, effectivement, comme si cette couche de peau te gênait. Tu vas littéralement la déchirer. Ça me fait mal ou... Ça te fait pas mal, au contraire, ça te fait du bien. Tu déchires un lambeau de ta peau et en dessous, t'as des poils. Pas vraiment comme une fourrure, mais des poils parsemés avec en dessous une peau livide et des poils blancs. Et tu as terriblement faim. Ouais, non, mais c'est pas mon bras, ça. Hein. La faim passe par-dessus ou je peux encore faire autre chose? Fais-moi un petit jet de coriace. Tu peux agir à ta guise. Oh, je prends n'importe le plus gros couteau, je me coupe le bras. Hein. Okay. Ça, c'est pas mon bras. Hein. Tu vas commencer à te massacrer le bras, à répandre du sang partout dans ta salle de bain. Il y en a plein l'évier et plus tu le fais et plus tu as faim. Et tu vas pas pouvoir t'empêcher au bout d'un moment de pencher la tête dans l'évier et d'essayer de ramasser un de ces lambeaux de chair que tu commences à t'enlever. Tu vas te réveiller à ce moment-là. Tu es dans un lit d'hôpital, sanglé, de la tête aux pieds. Tu es vraiment complètement bloqué. Tandis que Daria Moore se réveille tranquillement chez elle et va avoir un appel de l'hôpital, comme quoi son ami a été transféré dans l'aile psychiatrique. Il aurait fait une crise. Ok, bah je demande pourquoi, ce qui s'est passé. Eh ben, on ne sait pas trop, il a commencé à... Enfin, d'abord, son compagnon de chambre nous a appelé pour nous dire qu'il y avait un problème, et effectivement... Monsieur Beck est en train de... Je sais pas comment vous le dire autrement, il était en train d'essayer de se dévorer le bras. On a dû s'y mettre à plusieurs pour l'arrêter. Il avait l'air d'avoir une force décuplée. On a dû s'y mettre à 5 au moins pour le maintenir. Est-ce que les visites sont possibles? Il faudrait voir avec le docteur. Pour le moment, je vous dis, là, étant donné qu'il a blessé 3 infirmiers déjà, je pense que c'est mieux pour sa sécurité, comme pour la vôtre, de d'abord passer par le médecin. Je demande le nom du médecin. Alors, le médecin, c'est un certain docteur Bates. Forcément, et les moyens de le contacter. On va te dire que il suffit que tu viennes te présenter. Là, pour le moment, le cas était tellement impressionnant que toute l'attention est un petit peu tournée là-dessus. Donc, si tu souhaites le rencontrer, c'est le meilleur moment, c'est de venir. Et ils vont te demander si. Si tu aurais pas justement un moyen de contacter la famille, parce que il avait enregistré juste ton nom à toi et celui d'Edna. Je me renseignerai à ce sujet et j'en profite pour prendre des nouvelles de Edna. Ok, ils vont te basculer directement l'appel sur la chambre d'Edna. Edna, tu vas être réveillée par le coup de téléphone. Allô. Je vérifie qu'Edna va bien, qu'elle a pas eu d'envie carnassière, je lui demande. Non, mais je mangerais bien une tête entrecôte, là. Et je lui explique ce qui s'est passé vis-à-vis de Ricky. Et je lui dis que je vais passer avec son disque et les moyens de le lire. Ah oui. Ça pourrait peut-être lui remettre les idées en place de l'entendre. C'est une très très bonne idée, mais je vais essayer de descendre le voir, moi, hein, de mon côté. Ça va, je lui dis que je passerai à la boulangerie, les prendre oui. pour grignoter, et j'arrive. On se retrouve là-bas. Donc moi, je vais demander à aller voir Ricky, en fait, où se trouve sa chambre, enfin, où se trouve le service, et je vais m'y rendre, hein. Alors le service, t'aurais pas de mal à t'y rendre, oui, spécialement, même si c'est derrière des portes fermées. Et on va te dire que de toute façon, là pour l'instant, Monsieur Richard Beck n'est pas visible. Son médecin a préféré le mettre à l'isolement. J'essaye de leur dire que je suis une de ses proches et que justement, ça peut peut-être arranger les choses, quoi. Alors il faudra passer par le médecin à ce moment-là. Bon, ben, je vais attendre Daria. Daria va finir par arriver. Votre ville n'est pas non plus très très grande, donc vous allez vous retrouver toutes les deux. Ça va, ben, je suis content de voir qu'Edna va bien. Oui. Donc, ouais. Je sens le cramer, mais je vais bien. C'est vrai que tu as toujours plus trop de sourcils et tu as perdu une partie de tes cheveux aussi. Oui. Mais il faudra peut-être que je mette une petite perruque latente. Pendant quel temps, hein? Je lui partage les cafés et feuilleté saucisses que j'ai achetées au passage. Oh, ça c'est gentil parce que c'est dégueulasse, c'est la nourriture. C'est pas bon, hein, les salauds. Et avant d'aller voir le Dr Bates, je regarde sur mon téléphone portable s'il y a quelques avis sur lui, des trucs qui pourraient nous aider à comprendre un peu mieux sa personnalité, de le charmer, mais d'aller dans son sens, histoire de... On va le charmer, t'inquiète. Tu vas pas avoir énormément d'infos, parce que il n'y en a pas énormément à trouver sur ce monsieur, si ce n'est que il est là depuis un bon moment. Ça fait presque 10 ans qu'il travaille dans cet hôpital. Il a bonne réputation, même s'il est assez jeune. Tu as dit ? Les avis Google ? Pas tant que ça, parce que c'est pas un généraliste ni rien, donc t'as un petit peu moins d'avis, mais de ce que tu en vois, rien à lui reprocher à première vue. Ok. Bah, j'ai apporté le disque, les moyens de l'écouter, et donc, bah, si possible, je demande une entrevue avec lui, je lui explique qu'on est ses proches, en fait, hein, littéralement, que Ricky a été conduit par sa famille suite à des conflits d'opinion, et qu'on est ses proches, les plus proches. Alors vous allez attendre un petit peu, mais le médecin va vous recevoir. On lui offre des feuilletés saucisses, hein, pour le détendre. Non, je vous remercie. Madame, mademoiselle. Mademoiselle Edna Ravenwood. Enchantée. Enchantée, oui. Vous êtes patiente ici aussi, hein. Oui, mais ça y est, regardez, ça va mieux. Bon, à part mes cheveux, hein, c'est pas grave, on va dire c'est cosmétique, mais bon. On vient pour notre Ricky, hein. Oui, monsieur Beck, c'est ça? Ouais, on s'inquiète pas. Un cas passionnant, c'est incroyable. Un changement de personnalité soudain, des brusques accès de violence, mais il avait une force vraiment décuplée, hein. Et maintenant, est-ce qu'on peut le voir? Alors, je vais te demander un petit jet de charme, bien entendu. Vas-y, sinon c'est moi qui le fais. On est pas rendu. Mais je crois que c'est toi qui le fasses, en fait. Laissez-moi le charmer. Non, mais pas moi, j'ai moins 1, donc je suppose que c'est mieux. Ah, bah alors attends, va. Moi j'ai 1 en charme. Oh! Mais oui, mais on peut avoir un. Il existe de très nombreux charmes, d'accord? Celui d'Edna est particulier. Hé, hey, pas mal! Hé! Hey. Tu vois? Hey. C'est pas mal. Et il va vous regarder, vous voyez qu'il est un peu perdu plutôt dans ses pensées, dans ce qu'il réfléchit sur le cas, ce genre de choses. Et il va vous dire, bon écoutez, je pense qu'on peut aller le voir, par contre il faut que vous sachiez qu'il est attaché. Nous pourrons discuter avec lui, mais je pense qu'il vaut mieux qu'on soit de l'autre côté de la vitre sans teint. Je sais pas, le disque, hein, de la musique qu'il aime écouter, que ça pourrait l'aider à reprendre ses esprits. Vous me dites, bon, mais je voulais amener, bon, mais sinon j'aurais amené des petits chats. Il y a eu une portée récemment de la Louine. Elle nous a fait une petite portée là avec un petit noireau du quartier. Mais oui, je non, pense par, que par contre, les animaux sont interdit au sein de l'hôpital, oui, nous sommes désolés. C'est ce que je me suis bien dit. Oui, vous avez raison. Sinon oui. Mais je pense que tout ce qui fait penser à la maison, à des choses agréables, confortables, ça peut lui faire du bien. À notre Iki. Oui, alors, on va aller le voir déjà. Et il va vous emmener dans une petite pièce qui jouxte la chambre de Riki, qui est effectivement, vous voyez, une chambre capitonnée. Avec un Riki qui a l'air de s'éveiller. Il est sur son lit, il est sanglé. Et il a pas l'air au top. Riki ? Oui. Tu es dans ta chambre, il y a une partie de nous qui est vitrée. Non, ta chambre d'hôpital. Ah, c'est pas ma chambre, c'est plus ma chambre. Il y a une partie du mur qui est vitrée. Tu as ton bras, celui que tu souhaites hein, d'ailleurs, droit ou gauche. Vas-y, dis-nous. C'est pas perle gauche, un perle droit. Bah, le gauche, voilà. Je vois pas ton jet. Ça vient, j'ai une latence, moi. J'ai fait un 6. Hein. Ouais. Eh ben, tu vois que le bras est salement bandé. Et même, tu vois que le bandage commence à être bien taché. Ça te fait assez mal. Et ça te démange. Ah, ça te gratte. Qu'est-ce que je fous là? Et tu vas... Laissez-moi sortir. Entendre un petit rire. Un rire? Encore? Ouais. Oui, encore. Elle est là, dans un coin de la pièce, près du miroir, justement. Et ben alors, le grand héros se trouve coincé? Oh, pas pour très longtemps, mais bon. C'est sûrement pas à quoi tu t'attendais. Tu pensais que j'allais bouffer le jeu, hein? Les autres, vous entendez tout ce qu'il est en train de dire de l'autre côté de la vitre et vous voyez que le médecin a l'air très très inquiet. Vous voyez, je vous dis, il est en plein délire. J'essaie de voir s'il y a quelqu'un spirituellement parlé. Fais-moi un jet de Word. Je trouve ça tout à fait normal de parler dans le vide. Voilà, c'est pas mal. Des petits sets ce soir, hein. Tu ne vois absolument rien à part Riki. Tu ne sens pas de présence d'esprit. Et par contre, vous continuez à entendre Riki qui a l'air de se disputer avec une personne invisible dans la pièce. Vous voyez, c'est pour ça que nous ne pouvons pas nous permettre de faire rentrer les gens pour le moment. Je pense qu'il a encore besoin d'être calmé. Étant donné la situation qu'il y a eu cette nuit, on a préféré lui donner quelque chose pour la douleur et lui bander le bras, parce qu'il l'a bien entamé quand même. Hein. Vous savez s'il a eu des antécédents psychiatriques? Non, aucun. Il continue à prendre des notes. Je pense qu'on devrait peut-être lui donner un sédatif léger, mais avec les antidouleurs, on a préféré attendre un petit peu. Et vous disiez que vous aviez de la musique, c'est ça? Oui, oui. Il écoutait quand sa famille l'avait conduit, ça lui a fait du bien, et je pense que ça pourrait le ramener à de meilleurs sentiments. Et il va hausser les épaules et il va te montrer, en fait, il y a une petite table avec un espèce de système, tu sais, tu appuies sur un bouton et tu peux parler de l'autre côté. Ah oui, parce qu'il a même pas calculé qu'on est là en fait. Mais non, il vous voit absolument pas, c'est pour ça qu'il est en train de, il est vraiment en train de se disputer tout seul dans une pièce. Je demande au médecin quand même, il est attaché, il nous connaît, je pense que ça serait plus humain qu'on puisse le voir même à bonne distance. Alors, là, s'il ne veut pas quand même pas nous voir, les c'est. Les déploiements de force qu'il nous a démontré cette nuit, je préfère que pour le moment, tant que nous ne lui avons pas donné un sédatif, on reste de ce côté-là. Après, si vous le souhaitez, on peut activer la procédure et je peux faire venir quelqu'un pour le sédater dès maintenant. Je reste les épaules un peu frustrées par son obstination et oui, je dis bonjour à Ricky, hein, je lui dis qu'on est là et qu'on est là avec lui pour le soutenir et je lui demande si ça lui ferait plaisir d'écouter sa musique. Ouais, et faites-moi sortir de là, franchement, putain, je sais pas ce que je... Alors par contre, Ricky, essaye d'éviter d'avoir des discussions quand t'es tout seul dans une pièce. Ça pourrait aider. Tu dis ça devant le médecin qui va hausser un sourcil et il va appuyer pour couper le micro et dire écoutez mademoiselle, je pense que ce n'est pas lui rendre service que d'essayer de lui faire mentir à des professionnels de santé. Si monsieur... S'il n'a pas conscience, je le coupe, hein, je m'énerve un petit peu. Je veux dire, si, il a peut-être... Il pense qu'il y ait quelqu'un, que quelqu'un qui existe réellement lui dise que non, il est seul dans cette pièce, ça serait peut-être lui de donner un contact avec la réalité, plutôt que de le laisser dans son délire, tout seul, enfermé dans une pièce, m'empêche de voir ses proches. C'est juste pour un temps, je vous l'assure, et le fait de dénier le problème ne le fait pas disparaître. Mais allez-y, je vous en prie. Je vais appuyer toute seule sur le bouton pendant qu'il disque. Pour aller parler à Ricky. Ricky, c'est Edna, chaton, ça va. T'es tout seul, mon lapin. Bordel, bah oui, je sais pas pourquoi ils m'ont enfermé là. Tu te bouffais le bras, quand même. 10 ans d'études pour ça. Donc, écoute, ils vont te donner des trucs hein, pour te calmer, mais c'est pas grave, on reviendra te chercher, mais il va falloir que tu te calmes un peu, là, quand même. Non, mais faites-moi sortir de là, j'ai rien à foutre ici, moi. Le médecin appuie sur un autre interphone. Michel, apportez-moi un café, s'il vous plaît. Je vais en avoir besoin. Moi aussi, j'en veux bien. Pourquoi tu t'es bouffé le bras aussi? Je sais pas, c'est marrant, mais c'est sur oui, tout ce qui est. Monsieur Beck. Tous les produits qui m'ont injecté, ça m'est jamais arrivé avant. Monsieur Beck, s'il vous plaît, nous sommes dans un hôpital, nous sommes là pour vous aider. Je suis le docteur Beck et je vais vous suivre. Et jusqu'à maintenant, effectivement, vous avez fait preuve d'un comportement qu'on peut qualifier d'étrange, mais nous ne sommes pas là pour juger. J'aimerais savoir si vous avez déjà eu des penchants, comment dire, cannibales par le passé. Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il raconte ? N'importe quoi ! Monsieur Beck, je ne sais pas si vous vous rappelez vraiment de... dans votre délire de ce qui a pu arriver, mais vous avez mordu au moins 2 personnes. Et quand je dis mordu, ce n'était pas des petites morsures. Et pourquoi je les aurais mordues ? Je ne sais pas, monsieur, mais vous comprendrez pourquoi vous êtes attaché pour le moment. C'est pour votre sécurité. J'ai attaqué personne. C'est pour la sécurité de vos amis. Vous avez attaqué des soignants, monsieur. Peut-être parce qu'ils m'ont agressé avant ? Nous essayions de vous maîtriser, vous étiez en pleine crise de délire et vous tentiez de dévorer votre propre bras. Vous avez 5 ou 6 personnes sur vous, hein, vous vous défendez avec ce qui vous reste. Hein. Je n'en doute pas. Il a l'air tout à fait cohérent, notre ami, il est complètement cohérent. Qu'est-ce que... Je veux bien qu'hier peut-être ça n'allait pas, mais là il a des paroles cohérentes, tout ce qu'il dit me semble tout à fait clair. Il n'est plus sous l'emprise d'un délire ou de médicaments, enfin. Je vous vois, me docteur, là, avoir une conversation des plus normales avec une personne capable de vous répondre. Je ne vois pas ce que... Je vois pas pourquoi on le garde enfermé, notre Ricky, là. Et pour éviter un autre épisode de délire qui pourrait survenir à tout moment. Ça peut pas... Oui, mais on sera là pour s'occuper de lui. Si on voit des prémices, si on voit des indices, on vous le ramène. Eh bien, vous nous laisserez tout d'abord déterminer ces indices nous-mêmes. Les indices, vous pouvez pas les avoir si vous l'enfermez entre 4 pierres. Écoutez, madame, je vous assure, je vous l'affirme, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir et nous sommes très compétent dans notre domaine. Et vous allez avoir une infirmière. Il est attaché, il prend des cachetons, c'est quoi ça? Une infirmière va rentrer, lui amener son café et va lui glisser quelques mots. Je prendrais bien un café aussi. Hein. Faites-moi un jet de Sharp, sauf toi, Ricky. Ils ont toujours pas réappuyé, ils sont toujours le bouton appuyé depuis avant, non? Parce que si j'entends tout ça, je participe pas. Tu entends, oui, mais tu n'entends pas, tu ne peux pas entendre toi d'où tu es, ce que l'infirmière lui glisse. Ah, ça, ok. Edna, toi, tu vas entendre parfaitement. Tu étais vraiment la plus proche. Daria, toi, tu as commencé à essayer de mettre la musique ou pas? Si il m'a donné permission, oui, je l'avais. Oui, il t'avait fait signe, tu peux. Oui, ok, je l'avais. L'infirmière va lui glisser que les infirmiers qui étaient là cette nuit se sentent vraiment assez mal et ils ont dû les placer sous surveillance dans une chambre. Leurs constantes se sont un petit peu affolées. C'est le remords, ça, monsieur, dame. C'est le remords, ça, ta conscience. Vous voyez? Elle est belle! Elle est belle! Écoutez, Michel, vous allez me raccompagner, madame, à la sortie. Je pense qu'elle a besoin de prendre un petit peu l'air. C'est un homme qui a une carrière toute tracée. Vous êtes en train de l'empêcher de réaliser son potentiel. L'infirmière t'attrape par le bras et commence à te sortir en même temps. Vous en entendrez parler de nous, la presse également, le fan club de monsieur également, et sa famille puissante et riche aussi. Ah, d'ailleurs, sa famille. C'est l'infirmière qui va te demander. Vous savez comment les joindre? Moi, je pense que leur avocat vous contactera pour le procès. Et parfait, justement, nous cherchons à les contacter pour qu'ils puissent venir, qu'ils seront plus à même de s'occuper des affaires de leur fils. Écoutez, ils ont coupé les ponts avec leur fils. Ils sont sortis là déjà. Toi, tu es resté seul avec le médecin. Elle dit ça tout en raccompagnant Edna vers la sortie. Ah d'accord, ok. Vous verrez bien ce que l'avenir vous réservera. Et je lui fais le signe de la malédiction, tu sais. tu vas effectivement te faire accompagner jusqu'à la sortie. On va vraiment t'accompagner pour que tu sois de l'autre côté de la porte. Et bonne journée, madame. Bonne journée. Quel est maléfice? Vous entoure, vous enflamme. Ricky, tu vas entendre donc ton vinyle qui se met à tourner. Tu sais même pas pourquoi. Ah oui, non, je sais pas pourquoi. En tout cas, je préviens. Hein. On t'a apporté ta musique. Tiens, j'entends ma musique. Et il ne se passe rien de particulier. Je l'entends normalement ou comme je l'entends d'habitude? Tu l'entends normalement. Ok. Je demande au médecin quand vous dites qu'il a été violent envers les infirmiers, ça c'est quoi? C'est quelques coups et blessures? Je vous l'ai dit, il en a mordu deux jusqu'au sang, dont un qui a failli perdre un morceau de sa joue. Et apparemment, ils ne sont pas très très en forme. Je suppose qu'un homme de votre qualification a déjà dû faire des vérifications anti-rabiques. Ils ont eu leur vaccin, oui, effectivement. Votre ami est-il à jour sur ses vaccins? Monsieur Beck, êtes-vous à jour sur vos vaccins? Bien sûr. Vous n'avez pas son dossier médical? Eh bien, pour l'instant, il nous a été amené en catastrophe hier soir pour des brûlures. Nous n'avions pas grand-chose sous la main, effectivement. Mais si vous pouvez nous fournir ça, ça nous serait d'une grande aide. Détachez-moi, je vous le file. Je crois que l'expérience musicale n'a pas donné grand-chose. Vous voyez, il est toujours légèrement agressif. Il ne faudrait pas que... Je vous propose mon aide. Il va couper le micro. Il ne faudrait pas lui déclencher une nouvelle crise. Je peux avoir mon café? Vous le nourrissez tout de même, j'espère. Non? Ah non, non, je n'entends pas. Eh bien, pas encore. Il vient de se réveiller, donc... Mais ça va être fait, bien entendu. Je lui explique que Richard, de part, conflit avec sa famille, et que cela, de par son jeune âge, peut amener une volonté donc, une contrariété vis-à-vis de l'autorité, et que donc se montrer très ferme n'amènerait rien de bon. Au contraire, ça l'amènera à se déclencher de l'antipathie chez lui. Donc voilà, je lui donne ce conseil-là. Écoutez, faut pas oublier que c'est un jeune homme, que c'est un rocker, c'est quelqu'un avec une volonté un petit peu de rébellion. Il faudrait prendre ça en compte avant de le... Ah, c'est tout à fait pris en compte, madame, malheureusement. Après l'esclandre de cette nuit, les blessés, nous ne pouvons faire autrement pour le moment, bien entendu, que de le contenir, avant d'être sûr qu'il puisse être, je ne dirais pas relâché, il n'est pas vraiment prisonnier ici, c'est pour son bien. Putain. Mais nous sommes à deux doigts d'appeler la police pour qu'ils prennent l'affaire en charge. Vous savez, c'est quelque chose de très délicat. L'automutilation interdite, non, celui ? C'est une loi, ça ? Je vous rappelle qu'il a failli arracher la joue d'un de mes collègues. Vous faites quoi derrière la vitre, là ? Je vous entends plus. Vous êtes encore là ? Au revoir, quand même. Il va appuyer sur le bouton. Tout va bien, monsieur Beck. Votre ami va partir. Attendez, mais non, et moi ? Vous allez passer j'ai un mal, peu. Là, c'est quand que je reçois des soins là. Vous allez passer un petit peu de temps avec nous, monsieur Beck. Nous allons changer votre pansement dans quelques instants et Michel va vous amener déjeuner. Pas de légumes, hein. Un café aussi. Vous savez, ce n'est pas tous les jours facile. Je vais pas rester plus longtemps avec. Et je rejoins Anna et dès que c'est possible, je vais faire des études pour voir s'il y a des moyens de soigner un début d'infection de Wendigo. Je vais pas te demander, Jay, hein, tu as déjà enquêté sur le mystère. Donc, quelles étaient les faiblesses du Wendigo que tu avais appris la dernière fois ? La chaleur et le swift. Eh bien, tu peux supposer effectivement qu'une bonne ingestion de swift chaud, ça pourrait peut-être enrayer sa transformation. Sachant que Ricky est... C'est pas n'importe qui, c'est un élu. C'est quand même quelqu'un qui a des talents particuliers, qui devrait avoir des résistances aussi particulières. Ok, je me renseigne voir quel est le plat qui pourrait paraître le plus proche d'avoir, enfin, qui contient le plus de graisse chauffée, sans pour autant paraître totalement iconoclaste. Alors non, là, par rapport à tes recherches, tu sais clairement qu'il faut que tu brûles de la graisse, que tu fasses du swift, que tu le réchauffes et que tu lui colles dans le bec, hein, directement. C'est pas un plat qu'il lui faut. Ou un lavement, comme propose Edna. Ouais, mais est-ce qu'il y a moyen de le dissimuler dans un plat ? Je dis qu'on a quand même des plats assez gras qui existent. En plus, en Amérique, est-ce que je peux lui faire un donut au swift ? Ce genre de choses. Ça peut se faire. Après, est-ce que ça va rentrer à l'hôpital ? Je ne sais pas. Je vais faire des œufs au suif. Ça marche. Du coup, Daria te dit tout ça, Edna. Tu fais quoi, toi ? Je réfléchis là, intensément, parce que là, ça devient sérieux. S'il suffit de lui faire ingérer du suif, il faut juste monter une opération. Parce que, bon, hein, on ne va pas réussir à rentrer comme ça. Comment on peut faire rentrer de la graisse et la faire cuire ? Ah mais moi je le fais, hein. J'ai fait cuire, j'ai fait des donuts avec, hein. Donc vous partez, vous partez faire la cuisine. Ouais, et puis je l'ai préparé à réchauffer pendant le van pizzeria, donc juste avant d'entrer dans l'hôpital, ça nous donnera les moyens de les réchauffer. Et je propose qu'on fasse ça vers les midi ou à une heure de repas, si c'est trop tard le soir, lors du repas du soir, en expliquant que lui c'est un plat auquel il est habitué, qu'il aime bien et que ça pourrait le voilà le, encore une fois être un comment dire ça un repère psychologique positif. Moi je sais pas s'ils me laisseront rentrer. Hein. Ah, l'équipée particulière qui débarque avec un camtar à pizza et une femme à moitié. Oui, alors on va pas se carrer dans l'hôpital, hein, on va au parking quoi. Il n'y a pas de problème. Pendant ce temps-là, Ricky, tu vas voir l'infirmière qui va venir te voir. Bonjour, monsieur Beck. Alors, vous êtes plus reposé que cette nuit ? Ah, ça va, mais j'ai vachement mal quand même. C'est ce qui arrive généralement quand on essaye de se dévorer le bras. Ouais, bah, Je sais pas pourquoi, hein, c'est arrivé. Je comprends pas, hein, ça m'était jamais arrivé avant. Hein. Et comment vous sentez-vous ? Ah, ça va, j'aimerais bien partir. Hein. Et j'ai pas encore reçu mon café. Je suis pas très bien le matin sans mon café. Aïe. On va vous accompagner pour une petite collation. Je vais devoir vous détacher un bras pour changer votre pansement. Est-ce que ça va aller ? Oui, allez-y. Hein. Elle va détacher donc ton bras blessé et commencer à retirer le bandage. Si tu ne bouges pas, tu vois que... Bah, ah non, je ne bouge pas. Mais rien, je regarde par contre ce qu'elle fait. Regarde mon bras surtout. Elle a l'air flippée. Elle prend toutes les précautions et elle va enlever le bandage. Et tu regardes ton bras et ça te fait un choc sur le coup parce que bah, il en manque un sacré morceau. Tu sais pas s'ils sont arrivés très vite la veille, mais ouais, il te manque une bonne partie d'avant-bras. Mais putain, mais on reçoit rien à manger, j'en étais arrivé à bouffer mon bras. C'est bien que vous puissiez en plaisanter. Et non, mais je douille, hein, je t'assure. Elle va changer ton pansement et te regarde. Est-ce que vous pensez pouvoir garder votre calme et vous rendre jusqu'au réfectoire avec moi pour prendre une collation ? Ouais, bah, oui, je vois pas pourquoi. Fais-moi un jet de charme, s'il te plaît. Attention, vous êtes prêts. Oh. Pas mal. Elle va... Avec un bras en moins, toujours aussi charmant. Elle va plutôt te faire confiance sur le coup et elle va te détacher les bras, les jambes. Et elle va te demander si t'as besoin d'une aide pour marcher. Ce n'est pas le cas. Tu te sens okay, très en forme. Autant la blessure était horrible, autant tu te sens très en forme. Non, ça va, ça devrait aller. Et elle va t'accompagner jusqu'au réfectoire. Je vais te demander un petit jet de sharp. Oh là là ! Casse tous les murs. une journée en espace psychiatrique, et voilà. Elle est en train de t'emmener vers ce que tu supposes être le réfectoire. Et un peu plus loin, bah, tu vas entendre des cris. Pas des cris genre quelqu'un d'interné qui serait là, qui pousserait des hurlements ou autre. Non, des cris, ça te semble être, à toi, ton oreille un peu plus aguerrie à ce genre de choses, des cris de terreur. Vous avez entendu ? Vous inquiétez pas, il y a toujours des cris, ce genre de choses ici, c'est normal. Non, vous savez d'où ça vient ? C'est pas un cri normal, hein, et je m'y connais en cri. Hein. Elle commence à te pousser un petit peu pour te faire avancer. Vous inquiétez pas, il y a des gens qui s'occupent de ces personnes. C'est pas une question à elle, hein, c'est une question à toi. C'est vers où les cris ? C'est dans l'autre sens. Là, elle t'emmène dans une direction, c'est la direction inverse. Hein. Vous êtes sûr que vous devriez pas aller voir ce que c'est là ? Ça m'a l'air vraiment bizarre là. Hein. Non, vous inquiétez pas. Il y a des gens compétents pour s'occuper des personnes qui se trouvent ici. Et pour l'instant, on va juste aller manger. Ça va bien se passer, monsieur Beck. Ne vous inquiétez pas. Ok. Je la suis, hein, mais si j'entends un deuxième cri, par contre, ça va mal se passer. Hein. Mais t'entends. T'entends pas mal de fracas en fait, comme si ça se débattait, et puis ça commence à s'éloigner un petit peu le bruit. Ok, bon, je sais qu'il y a quelque chose qui tourne mal, va falloir que je me libère et que je trouve une arme. Et tu vas arriver à un réfectoire où les gens, parfois encore attachés sur des fauteuils ou en tout cas accompagnés pour certains. Sont en train de manger d'un air un petit peu morne et je vais repasser sur Daria et Edna. Où est-ce que vous cuisinez ? Chez moi. Ah bon, enfin, mais le suivre comme vous le préparez déjà chez moi, puis la dernière étape histoire que ce soit bien bien bien chaud quand on l'amène, on refait le bacon dans le van. Exact. Ok. Mais c'est vraiment du juif avec autour un peu de pâte et un glaçage au sucre. Hein. Mais 99%, c'est du juif. Ça marche. Donc en fait, tu fais un énorme boudin de graisse animale et tu le recouvres de sucre autour pour donner l'apparence d'un donut. J'en ferais même une tourte en fait aussi. Une tourte et des donuts pour qu'il y ait vraiment la magie. Okay. Arriver avec tout un chariot. C'est ça. Oh, il y en a pour tout le monde, bah, t'inquiète. Alors, aucun problème. C'est le Seigneur sur les toilettes. Aucun problème pour préparer ça, c'est nickel. Par contre, au moment où vous sortez pour aller jusqu'à la camionnette, vous allez apercevoir quelqu'un qui a l'air de tourner autour de votre camionnette. Et vous le reconnaissez, c'est le garde forestier. Non, on n'est pas mort celui-là. Au moins, on a du juif, là, de propre, de proche. Je demande s'il veut manger quelque chose. S'il a fait une petite faim. Bonjour. Il va sursauter, vous n'avez pas vu arriver. Ah, c'est vous. Mais Winnie, vous avez bien reconnu le van, non? Je vous cherchais, ouais. Je laisse pas rentrer, hein, je lui parle à la fenêtre. Hein. Il va s'approcher de la fenêtre, hein, si t'es pas dans la rue, justement, directement. Est-ce que je... Qu'est-ce qui s'est passé hier? Bah vous avez bien vu ce autour de quoi vous vous êtes réveillé, non? J'étais chez moi, enfin dans la cabane de garde. Oui, et autour de vous, il y avait pas mal de trucs plus ou moins cramés, non? Je me suis réveillé dans les bois, couvert de sang. Ah ben voilà. Vous avez dû retrouver des choses devant chez vous, devant la cabane. J'étais plus à la cabane. Vous êtes retourné depuis? Je sais pas. Alors, il faut plus y retourner. Vous vous doutez qu'il s'est passé des choses pas normales et difficilement compréhensibles dans cette forêt? On va pas se mentir. Qu'est-ce que tu es pédagogue? Il se passe toujours des trucs dans la forêt, c'est... On a trouvé un remède. Ça vous paraît un petit peu bizarre, mais franchement, faites-nous confiance, ça pourrait beaucoup vous aider. Et là, je lui tends une grosse tourte. Mangez ça vous fera vraiment du bien. C'est un remède à l'ancienne. Fais-moi un jet de charme, s'il te plaît. Intestinalement, vous en êtes où dans votre vie? Sois bien. Cette question. Du cancer tout au long. Quoi? Arène Brock. Il va prendre ta tourte, il la regarde un moment, il te regarde toi. Mais je me sens bien. Je me suis jamais senti aussi bien. Eh ben c'est le souci, vous allez finir par bouffer des gens. Hein. Et il balance ta tourte, vraiment il l'éclate sur le sol devant lui. Mais salopard la tourte, on a mis 2 heures à la faire. Pourquoi je prendrais ça alors que je me sens bien? Vous êtes qui? Vous traîniez dans ma forêt? Moi, je vais ramasser. Vous traînez autour de notre veine? Il va essayer de t'attraper. Tu as des protections autour de chez toi? Quoi? Tu as des protections autour de chez toi? On est d'accord. Mais on est dans le van, là, non? Oui, je croyais que c'était à la fenêtre de chez toi. Ah, ok, et ben. Parfait. Ils sont vous avez dit qu'ils tournaient autour du van. Ok, oui, mais c'était avant. Moi, que... c'était sur le parking de l'hôpital, quoi. Pas de problème. Non, c'est devant chez toi. Il vous cherchait. Et il vous a topé. Dans ce cas-là, il a jamais pu venir à la fenêtre. Hein. Il vous a topé au moment où vous partiez, en fait. Ok. Et bah écoute, ça va être un agir sous pression. Oh là là là là. Alors dis-moi comment tu J'avais un donut en main, au moment où il essaie de m'attraper, je le laisse faire et je lui enfonce le donut dans la bouche. Alors, tu peux lui enfoncer le donut dans la bouche s'il t'attrape. Ah, mais en fait non, je vais pas faire les deux. Ah. Choisis. Ouais, je suis le donner dans la bouche. Hein. Je lui donne un coup vraiment pour qu'il avale. Ok, alors attends. Il est sa bonne portion de suif là, bien chaud. Plus on vient de le faire. Oui, c'est vrai, il est encore chaud. sur. Est-ce que ça vient manger ou pas? Ah non, attends. Tu vas réussir à lui coller dans la bouche. Tu lui enfonces bien, tu lui écrases sur le visage. Sauf qu'en même temps, il t'a attrapé au col et il a une force vraiment impressionnante. Il va te tirer directement en dehors de la vitre de la camionnette et il va te jeter sur la rue. Tu vas pouvoir te cocher une blessure. Edna, tu vois ça à l'intérieur, tu peux agir aussi, hein, toi, de ton côté. Maintenant, tu viens de voir Daria disparaître dans la fenêtre. Prendre les extincteurs. Je prends le petit extincteur qu'on a de cuisine, obligatoire pour tout ce qui est cuisson, etc. Je sors et je lui vaporise dans la gueule. Okay. Voilà, ouais, elle mousse. Qui est bien urticante et bien brûlante, quoi. Donc tu cherches clairement à faire des dégâts, donc vas-y, fais-moi un coriace. Alors j'ai un avantage que j'ai pris la semaine dernière, si vous connaissez, qui s'appelle The Big Whammy, et pour pouvoir kicker des as, et qui me permet d'utiliser Ward à la place de Tough. Eh ben vas-y. Si je miss, si je fais un échec, je me prends un backlash, hein. Ne fais pas d'échec alors. Oh là là. Ok, il commence à tousser. Il a déjà cette espèce de truc graisseux plein la bouche. En prime, tu lui balances le truc. Il se courbe en deux. Il est en train de cracher par terre. Il tousse en même temps. Je lui maintiens la bouche fermée, moi, à ce malade. Tu veux lui sauter dessus pour lui maintenir la bouche fermée après ça? Daria, oui, tu fais quoi, toi, de ton côté? Et si je peux me relever, je l'aide. Hein. Tu peux, oui, il t'a jeté au sol, mais tu peux agir. Vous mettez à deux dessus. Ok. Aval. Alors, que je regarde ma petite fiche. Lancez-moi toutes les deux un D6, s'il vous plaît. Les extrêmes. C'est ça. Donc vous sautez sur lui. Daria, tu arrives à le maintenir. Par contre, Edna, il a vraiment une force énorme et il va te mettre un coup. Je vais te demander un coriace. Tu vas prendre des dégâts dans tous les cas. C'est juste pour voir si tu réagis en même temps ou pas. Si oui, très bien. Tu vas en fait lui coller l'extincteur dans les dents. Hein. Alors tu as Daria sur son dos, il va te mettre une grande mandale et pour le coup tu vas la sentir passer, tu vas prendre deux blessures, mais tu vas l'aligner avec l'extincteur et il va s'écrouler au sol avec Daria sur le dos. Daria ! Non, ici c'est souvent des échecs quand même, hein, sur un 12. Non, mais c'était le coup passait. C'était par rapport à avant. Là, c'était pour voir justement si elle pouvait frapper. Et elle l'a assommé complètement. Je masse la gorge. Je vais récupérer la tourte. Allez, elle est en ruine. Hein. C'est principalement plus. On lui fait avaler le reste. Hein. On plus lui qu'une gorge, tourte, que ça rentre, hein. c'est principalement un monceau de graisse. Donc jeté au sol, tu sais, je crois pas que ça se tienne des masses. Ouais, bah après, c'était pas une tourte de 20 grammes, hein, donc il y a, je sais pas si il y a quelqu'un qui a passé à il a déjà avalé ce que tu lui as mis dans la bouche tout à l'heure. La donette. Ouais, non, mais c'est rentré. On récupère le reste et on lui fourre dans la bouche et on lui met sa gorge pour que ça rentre. Ah, vous voulez vraiment le farcir en fait? Vous voulez le graver, hein? Ah, mais oui, mais c'est le but, hein. On lui masse la gorge, hein, et on vérifie qu'il respire. Le but c'est pas de l'asphyxier, mais qu'il ait bien sa donette. Attends, je lui fais un jet pour voir s'il arrive à survivre. Non, je déconne. Ah ouais, parce que là c'est de la graisse, hein. Ils vont lui boucher les artères. Oh putain, ouais, là. C'est pas sûr qu'il survive à ça. Hein. Non, apparemment, il en a avalé. Ouais. Il est toujours inconscient, par contre. Est-ce qu'il y a un endroit... Là, tu peux surtout t'inquiéter. Là, il est inconscient, on l'attache et je lui fais un soude pour qu'il puisse pas bouger, qu'il le bloque à l'intérieur. Fais-moi un jet de weird. Tu vas voir justement au moment où tu te poses la question, tu regardais autour, tu vois dans le voisinage, il y a quelques rideaux qui se referment. Apparemment, il y a des voisins qui ont vu l'altercation. Et tu as aucun mal à faire ton truc, il est dans le camion, vous pouvez partir. Donc normalement là, il est vraiment dans un rayon de 1 mètre sur même pas de 30 cm sur 30 cm, où il peut pas bouger hein. Tant qu'il est un Wendigo, il peut pas en sortir. Ça marche. Et Edna, si tu peux conduire jusqu'à l'hôpital, moi je lui laisse une note. Je lui explique ce qu'on sait. Merci. Je lui explique ce qu'on a tenté de faire. Et que s'il ne nous croit pas, il a qu'à aller voir les ossements qui subsistent. Non, je vais pas être aussi. Il n'a qu'à voir ce qui subsiste devant sa cabane dans la forêt. Histoire que s'il se réveille, il est quand même un truc de. Je pense qu'on a prévu la dose, qui t'inquiète pas. Attends, si j'ai bien compris, ton saut, ton truc autour de lui, tu lui fais. Ouf. Il est où le mec là ? Dans le van. Il est dans le van, d'accord. Mais vous prenez le van pour aller à l'hôpital ? Ouais. Ok, d'accord. Bah donc il vient avec ? Non mais c'est ça que je veux. Bah, d'accord. Tu es bloqué par la machine, donc. Pas de problème. D'accord. C'était pour être sûr. C'est bon, ils ont enlevé quelqu'un devant des témoins, c'est bon. Alors on avait précisé qu'on était dans la périphérie, dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de voisinage. Hein. C'était assez tranquille. C'est vrai. Vous arrivez à l'hôpital, le garde forestier est toujours. Il a l'air toujours inconscient, à l'arrière il bouge pas. Je sais qu'Edna, la dernière fois de ta visite ici, c'est pas forcément très bien passé. Si tu veux, je vais présenter les donuts et tu veilles sur notre nouvel ami. Si tu es d'accord ? Oui. Et donc, alors que tu dis ça, Edna, tu vas voir quelqu'un qui se barre de l'hôpital en courant, qui a l'air paniqué. Vous le voyez toutes les deux. Oui. Un homme d'âge mûr, et il a encore des habits de l'hôpital, et il a l'air paniqué, il court. Fais signe. Par là ! Venez ! Venez ! Fais-moi un jet de charme. Venez, on va vous attacher. Merde, de la graisse. Oh, merde, non, là. Alors, il va courir encore plus vite. Et il va partir. Daria, fais-moi un petit jet de sharp, s'il te plaît. Moi, j'essaie pas de la tirer. Hein. Non, je sais. Charme pas. Tu vas entreapercevoir, au moment où la personne accélère et se casse, elle est blessée. Elle a l'air de saigner d'un bras. Bah ouais, bah c'est triste. Hein. C'est vrai, c'est un hôpital. Ça peut être triste. Donc tu vas à l'intérieur ? Prudemment. Ok. La personne avait l'air brûlée par endroit. Pardon ? Est-ce que cette personne qui s'enfuyait avait l'air brûlée par endroit ? Non. Tu vas donc arriver au comptoir. Edna, tu restes au camion ? Tu bouges ? Oui. Donc tu restes là ? Ok. Ah oui, je suis à l'autre. Ça marche. Daria, tu vas arriver à l'accueil et apparemment, il n'y a personne pour le moment. Hein ? Je suis où, moi ? Toi, tu es en train de manger bien tranquillement. Fais-moi un petit jet sharp. Parce que s'il y a des gens qui crient de partout, par contre, ça va. C'est quoi cette histoire? Ah bah. Oh, oh il... Non, le repas est très bon. Daria, tu n'entends pas des gens qui crient de partout. Hein. C'est juste que il y a personne pour le moment à l'accueil. Bah, je sonne, hein. Je reste sur place et je sonne. Tu vas attendre un petit moment avant qu'une infirmière arrive. Elle a l'air. Un petit peu essoufflé, un petit peu perturbé, vraiment. Il y a un truc bizarre. Je lui dis qu'il y a quelqu'un qui vient de s'enfuir avec un bras en sang, là. Oh, merde. C'est rien. Vous désirez ? Je lui explique que donc on a notre ami Ricky qui est incarcéré ici hein, pour cause des comportements troublants et que comme nous ça nous fait de la peine et qu'on tient à lui, j'ai repensé à une recette de pâtisserie dont il nous parlait d'un de ses aïeux qui lui a apporté toujours du baume au cœur et donc voilà pour l'aider à son séjour ici on en a fait une bonne grosse fournée et est-ce que vous pourriez vous assurer qu'il les ait, vous pouvez les identifier, ça peut paraître un petit peu bizarre, c'est une vieille recette germanique hein, mais il n'y a rien d'illégal dedans. Et s'il faut, je lui tends un pourboire bien corsé pour être certain qu'elle l'amène à Ricky. Elle va te dire oui, on va faire ça, pas de problème. C'est important, ça pourrait vraiment aider à sa santé, je suppose, et on tient à lui, et donc je lui glisse un billet. Sensiblement, je ne sais pas de le cacher à faire ça à la sournoise, hein, pour qu'elle sente que c'est vraiment un ami qu'on y tient et que c'est quelque chose, c'est pas à prendre à la légère. Fais-moi un jet de charme à plus 3. Tu mets un billet de $20 facile. Ah, l'argent et le charme. Sérieux, à plus 3, attends, t'as merdé quelque part. Non, j'aurais dû faire un 2 de base. Hein, non, mais regarde, en fait, si tu regardes sur le jet, il y a 2 plus encore. C'est là le souci. Ouais, t'as fait 10 en tout. 12, t'as fait 12. Plus 3, c'est 0. Oui, quand même. Donc ça va. Tu as fait un 12. Donc elle va tout prendre, elle va se barrer avec. Et tu restes seul à l'accueil. Je dis bien que ça vient de ma part. Ouais, j'aurais laissé un mot disant que ça vient de la part de Daria. Ouais, aucun problème. Qu'il faut qu'il mange. Elle a l'air pressée, vraiment ailleurs en fait. Hein. Et finalement, tu vas même voir qu'elle a laissé le billet que tu avais posé. Il est resté sur le comptoir. Je le pousse juste assez pour qu'il tombe sur la table derrière le comptoir de son côté. Ok. Ricky, on va t'amener un truc qui a l'air complètement dégueulasse avec un petit mot de Daria. Je vais te demander un petit jet de sharp hein, au moment où l'infirmière arrive. On a entendu parler du suif, hein, de comprendre. C'est excellent. Voilà, tout à fait, tout à ton repas. Et tu te rends compte que t'as une dalle comme t'as jamais eu de ta vie. T'as vraiment terriblement faim. Tu viens de manger comme 4, t'as encore faim. Quoi. Et on va t'amener cette espèce de truc très bon. Tout ramolli avec le petit mot de Daria. Excellent. C'est écrit, il faut manger ça bien chaud. Et c'est chaud ça, moi ou... Oui, on a juste de le faire chauffer. Tu peux quand même rouler. Tu peux le réchauffer. On a précisé qu'on faisait chauffer sur le parking pour l'esprit que ce soit le... Mais tu peux le faire réchauffer, hein, y a des micros. Ah oui, moi je prends mon plat, je vais dans la cuisine directement. Et tu sais ce que c'est, on avait parlé du suif, hein, donc tu comprends. Hein. Oui, mais ça d'accord, mais je sais pas. Oui. Mais t'as marqué Daria, tu vois un truc rempli de suif. Non, t'as mis du sucre autour et t'as de la pâte, comment tu veux mettre ce qu'il y a à l'intérieur? Le truc doit être ramolli. La gueule qui sort donc. Ah non, je suis pas futé apparemment, donc non, je sais pas. T'es juste devant futé, c'est vrai. Alors, tes jets c'était pas pour ça, donc tu t'inquiètes pas, y'a pas de soucis. Bon bah je vais en cuisine, je vais jusqu'à la cuisine. Je pense qu'elle est pas très grande. Ah oui, j'y vais moi-même, hein, j'y vais. Ouais, y a pas de problème, tu vas à la cuisine. Comme à la maison, hein, je vais. Tu peux réchauffer le truc et le manger. Là, j'ai sans été trop soigné problème. Dans cet hôpital psychiatrique ou pas du tout en fait? Ah, c'est. Y a une aile de psychiatrie, c'est pas juste un hôpital psychiatrique, mais t'as été soigné sur ton bras, ouais. Okay, mais je te rappelle que les soins, on les avait déjà fait. Les dégâts que tu as pris, c'est ouais, en te bouffant le bras. Pour les autres bras. Dégâts, je parlais de mes morsures. T'es à combien là? Pour les autres dégâts, t'avais été soigné. J'avais été soigné pour le feu, mais après pour mes propres morsures, est-ce que j'étais soigné? Ça n'était pas. Non. Alors, du coup, t'es à combien là? J'ai 4 blessures. Hein. Tu peux en enlever une. C'est vrai très que bien. Pour le bras, tu as été soigné. Non, okay, alors c'est bon. Tu peux même, effectivement, après avoir bouffé, tu te sens bien. Tu peux même en enlever 2. Très bien, écoute, je vais continuer à manger. Hein. Bon, bah, je vais en cuisine et je vais me chauffer ça, bien ouais. Chaud apparemment. Étrangement, il n'y a pas grand monde dans la cuisine. Pas grand monde ou personne? Tu peux voir un mec qui est là en train de ramener des plateaux qui va les mettre à laver, mais c'est tout. Ok, bah, je trouve une casserole la plus proche, ou un micro-ondes, ou je sais, un four. Oh, tu peux réchauffer ça comme tu veux, y a pas de problème. Sauf si tu veux un jet de charme pour voir si tu mets la casserole à l'envers en faisant chauffer, mais je pense que ça va aller. Est-ce que mon perso est con à ce point? Est-ce que mon perso veut tenter un jet d'XP? Non. Je refuse. Eh bien, je cherche un four alors. Non, non, okay. On vient de les faire chauffer il y a 2 minutes quoi. Non, mais il veut que ce soit bien chaud. Il m'a dit de le réchauffer. T'as pas de problème, tu réchauffes ça et tu le manges, c'est dégueulasse. Mais tu n'as aucun souci à faire ça. Force. Et tu te sens pas bien à manger ça, vraiment, tu te sens mal. Tu as envie de. Peu de temps après, t'as envie de dormir là. De dormir ? Ah ouais, ça t'a mis un coup, tu sais, comme une énorme douleur qui épuise tout ce que t'as comme énergie. Et merde, moi qui voulais me balader, voir d'où ça venait les cris, vu qu'on m'avait lâché enfin. Ah mais tu peux, hein. C'est vraiment juste t'es somnolent, t'es pas bien quoi. Ah bah écoute, faut que j'ai bouffé. S'il y a personne qui me surveille. Étonnamment, tu vois que dans le réfectoire, non, il y a peut-être quelques infirmières qui sont là, mais elles sont occupées avec des patients. Et il n'y a personne qui a l'air de surveiller. Bah, je retourne dans le couloir d'où je venais, c'est-à-dire vers la psychiatrique, pour voir, d'essayer de voir, d'identifier d'où venaient ces cris, qui ne me paraissaient pas très normaux. Ok. Ma moto a été mise où? Parce que j'étais venu avec à l'hôpital sur Darrah encore, je pense. Nul ne le sait pour l'instant. Daria, Edna, vous faites quelque chose en particulier? Moi, je surveille la forêt. Oui, moi je rejoins Edna et on surveille Edna. Et il a l'air toujours complètement à l'ouest. Je vais faire avaler un petit peu de suif. Et il va prendre 10 kilos de plus. Qui suivra. Non, on dira qu'il a pris en maturité, pas de problème. Putain, il va vider toutes les huiles de fritus qui sont dans le camion. Il connaît le réservoir. Oh putain! Ça y est, elle a trouvé quelqu'un qui gavait. Quoi. C'est ça. Ça va durer un petit moment comme ça, hein, parce qu'il se passe rien. Donc, ça dépend si vous bougez ou si vous bougez pas. Non, pas toi. Je suis toujours avec Daria Edna. Il y a un type qui s'est échappé et il n'y a personne qui lui court après, il n'y a personne qui sort, il n'y a aucun mouvement. Non. Bah, c'est là qu'il y a d'avoir des problèmes, donc moi je propose qu'on reste là. Hein. Ouais, à la limite, si on peut ne pas rester dans le parking au cas où l'autre nous fait des problèmes, un endroit plus discret, mais aux alentours de l'hôpital. Ok. Ricky, tu cèdes, tu dors un peu ou tu vas errer? Bah, j'ai vraiment envie. Si vraiment j'en peux plus, je vais. Mais non, j'ai l'impression que quelque chose qui va mal, donc non, il faut que je trouve ce qui se passe. Hein. Je vais aller vers les cris, hein. Il n'y a plus de cris là maintenant. Non, mais d'où venait avant, je veux dire. Ouais, tu vas avoir aucun mal à remonter jusqu'à cet endroit. Et ça t'emmène vers ce qui ressemble un petit peu à une chambre. Sauf que tu vois avec les petits panneaux, et même quand tu ouvres, c'est une salle de pause. Il y a une table au milieu, il y a une télé, il y a deux petits lits. Et il y a surtout beaucoup de traces de sang. Il y a des traces de sang ? Ouais, plein les draps, sur les murs, il y a eu des giclées, sur le sol. Pas de corps ? Pas de corps. Traces de sang, je peux les suivre ou c'est juste à cet endroit-là et ils ont rien laissé d'autre ? Alors, ça, il y en a un petit peu, tu vas voir quelques gouttes de sang, il y a quelques trucs qui peut-être se trouvent pas, là. Peut-être qu'ils ont été, il a marché dedans, je sais non. pas. Non, par contre, là, étant donné ce qui t'arrive, je vais te demander un petit jet de... Weird. De Weird. T'es à combien en Weird, toi? Ah, moi, je suis à moins 1. T'es à moins 1. C'est ton état naturel. Bah, tu m'aimes le faire, tu t'ajoutes 1, donc tu le fais juste flat. Ok. C'est un échec. Il a envie de gratter de l'expérience. Ça. Non, tu n'arrives pas à suivre spécialement. Tu vas te balader un petit peu et tu croises personne en fait. Et plus tu avances dans je vais la sortie alors. Plus tu avances dans l'hôpital comme ça et moins tu vois de monde. Ok, je vais vers la sortie. ça pue, faut que je retrouve ma moto. Personne va t'arrêter. Tu on vas voit sortir. On va garder un point de vue sur. Si vous avez gardé un point de vue, ouais, vous allez voir Ricky sortir avec sa petite robe de chambre de l'hôpital, avec le cul nu à l'arrière. Il sort sur le parking tout seul, comme un grand. Bah, on va le voir, hein, on lui fait signe en tout cas. Bah oui, on klaxonne et on lui fait signe. Ok, je cherche quand même des yeux à ma moto d'abord. Je sais que je l'ai garée sur le parking, donc elle devrait pas être loin si elle est toujours au même endroit. Tu vas la voir, ouais. Elle a pas bougé. Ok. Selon ce qui est le plus proche, si c'est ma moto, je vais vers ma moto, sinon je vais vers eux. Eh bah écoute, lance un dé, hein. Comme tu allez, le sens. Pair, c'est ma moto, impair, c'est vous. Oh, ma moto. Donc, tu klaxonnes, Daria, vous l'appelez, et vous le voyez, il vous regarde, il vous a bien vu, hein, mais il va poser son cul nu sur sa moto, il va démarrer. Ah non, je vais pas poser le cul. Ah pardon, je croyais que tu partais directement. Je vais vers la moto. Ok. Je vérifie que ma guitare soit là. Tout est là. Ok, c'est bon. Ah, maintenant, je vais les voir. Avec la moto, je vais me garer à côté d'eux. Ça marche. Et je leur fais... Ça pue dans l'hôpital. Faut qu'on aille jeter un œil. Ah non, pardon, je peux pas faire comme ça, je suis somnolent. Ça pue dans l'hôpital. T'as mis le somnifère dans ta merde que tu m'as donné là ou... Dans ma merde. C'était de gras, hein. Excuse-moi. Hein. Ouais, désolé de pas rendre le suif bon au goût. Quoi. Bon, en tout cas, il y a des traces de sang, il y a plus personne dans l'hôpital, faut aller voir. Je sais pas si c'est une bonne idée. J'irai, hein. Moi je vais y aller. Quoi qu'il arrive, s'il y a encore des bestioles qui se baladent là-dedans, vous avez vu du monde sortir ou pas? Une personne, ouais. Elle était comment? Ah, depuis le temps. Eh merde. Je pense que c'est moi qui ai infecté tout le monde. Et si cette personne est infectée aussi, elle va retrouver tout le monde aussi, elle va continuer à infecter. Bon, je vais chercher mon étui à guitare, je la prends sur le dos, je suis toujours cul nu, hein, et je rentre à nouveau dans l'hôpital. Les autres, vous faites quoi? Vous laissez Ricky partir seul avec ses fesses glorieusement à l'air et sa guitare à la main? Non, non, dans les tuyaux, elle est. Hein. C'est pour ça que j'ai dit la guitare. Sinon, j'aurais dit lâche. Excuse-moi. Ricky, trouve-toi un calbut, hein. Ça devrait pas être dur avec les cadavres qu'il doit y avoir là-dedans. Je te confirme, c'est pas bien dur, hein. Alors Edna, Daria, vous restez derrière? Ben Daria, elle a pas envie de finir en HP, quoi. Et je la comprends, hein. Donc elle va plutôt rester à surveiller le gars. On pourrait pas faire des tours avec les vannes, Daria? Vas-y, je t'en prie. Des tours avec le van autour de l'hôpital? Comme ça, c'est Ricky qui sort par une des issues, et comme ça, nous, on voit qui sort. Aussi. On surveille le garde forestier et on se fait pas bouffer. Ça fait combien de temps que vous êtes là, à peu près? Bon, 20 minutes. Ouais. Une bonne demi-heure. Ok. Le garde forestier va pas tarder à se réveiller. Vous voyez qu'il s'agite. Il cligne des yeux un petit peu. Il a l'air vraiment sur le point de s'éveiller complètement. Vous le secouez un petit peu ou vous laissez faire? Oh, je le laisse faire. Oui, non, on ne le réveille pas de Dieu, on le laisse réveiller de lui-même. Hein. Ça va prendre un tout petit peu plus de temps, donc je vais repasser sur Ricky qui rentre à l'intérieur. Ok, je vais me trouver un endroit où, juste à l'intérieur, où poser mon étui mais un peu camouflé si possible. Ouais, qu'est-ce que tu imagines comme endroit ? Bah, il y a le comptoir où il y a l'accueil, ou alors il y a, je sais pas, je suppose que tout à l'entrée, t'as une salle peut-être de garde ou un. Ah bah, même un local. Tu en as vu non, une salle de pause tout à l'heure ? Ouais, non, pas celle-là là-bas, non. Direct à l'entrée, je sais pas, même un placard à balai. Tu vas pouvoir trouver ouais, des vestiaires. C'est ça. Je vais rentrer là-dedans, poser ma guitare dans mon étui dans un casier. Et comme ça, je sais qu'elle est à portée si jamais ça pue. Mais si je peux fermer le casier, bien sûr que je le ferme. Et maintenant, on fouille dans les affaires des gens, dites donc. Ce casier était vide. J'ai juste posé un item, c'est tout. Mais bon, item. Tu... Pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. J'ai juste posé un de mes objets, mais... C'est un jeu pour le grand héros que tu es, c'est ça ? Il faut bien que j'ai de quoi me défendre au cas où ça pue. Puis bon, je pense que tu vois aussi la situation qui se passe ici. Comme tu t'es défendu contre moi sur une route en pleine campagne. Ah, si tu n'avais pas commencé à jouer à l'apprenti cultiste, hein, tout ça ne serait pas arrivé. Bien entendu. Tu peux continuer à le nier. Tu vas entendre des cris, à nouveau. Ok, je me dirige. Tu t'y diriges juste comme ça ? T'as rangé ta... Ah ouais, okay. Non, je sais pas ce que je vais encore rencontrer, donc je m'y dirige. Bah, moi que j'ai trouvé un pantalon dans les vestiaires, d'ailleurs. Oui, t'as pu trouver des vêtements, oui. Oui, bah j'aurais pris un pantalon. Je veux pas tout voler, hein, je prends juste un pantalon. Tu vas pas avoir bien loin à faire, tu vas arriver dans un de ces couloirs qui t'avait l'air vide et tu vas voir un infirmier. Alors, où est-ce qu'il est ? C'est un de ceux qui t'avait maîtrisé la veille. Et tu vois qu'il s'est littéralement jeté sur l'infirmière qui t'a amené jusqu'à ton repas, d'ailleurs, Michel. Ah bah, je vais juste être dessus, hein. Pour le dégager, hein. Ok, tu vois qu'il n'est pas dans son état normal. En fanfare, je vais dire, si elle m'a donné son prénom, je vais dire son prénom à l'infirmière. Tenez bon, Michel, j'arrive. C'est une arrivée en fanfare, ça. Je pensais qu'il allait chanter Michel Mabel en arrivant, mais non. Ah, moi j'ai pas ma guitare sur moi, je peux pas faire de la musique. Hélas. Eh ben vas-y, fais-moi ton jet pour lui casser la gueule à ce pauvre Denis. Non, d'abord la fanfare. J'ai le droit à la fanfare ou pas ? Ça, oui, t'as le droit. Aussi, ça. Si, ouais, vas-y. Que ce soit dans une situation dangereuse, je pense que ça l'est. Eh putain, mais quel bolos ! Ok. Alors, c'est un échec. Tous les ennemis présents vous considèrent comme la pire menace qui pèse sur eux. C'est pas si mal, au fait. J'irai pas jusqu'à dire ça. Comment ça va se passer ? C'est juste ça. Donc, Ah, c'est juste le cas d'échec, c'est ça. Ok. Tous les ennemis présents vous considèrent comme la pire menace qui pèse sur eux. Tu attaques quand même ? Ah oui, bien sûr. Là, je vais lui sauter dessus, hein. J'essaie de le dégager pour qu'il arrête de maltraiter cette pauvre Michel. Eh, fais-moi un jet de coriace pour enchaîner. Ah, quand même. Tu peux même me dire comment tu le dégages. Il y a pas de problème. Tu as la maîtrise totale de la situation. Ok, bah je vais lui faire. Je pense que je vais arriver derrière lui, le tirer et lui faire une clé de bras. Hein. Okay. Pour le maîtriser et le mettre face contre sol. Hein. Donc tu le... façon CRS, très bien. C'est encore des restes là de... C'est ça. tu l'attrapes, donc tu le bloques comme ça, et tu vas te rendre compte qu'il ne crie pas, il ne parle pas, il grogne sous toi. Et je demande à Michel, vous allez bien ? Et elle te regarde, je sais pas ce qui s'est passé, je comprends pas pourquoi il m'a sauté dessus. Ils sont tous devenus fous, ils sont en train d'attraper tout le monde dans l'hôpital. Vous êtes blessé ? Non, non. Il vous a pas mordu, rien du tout ? Oh, mon Dieu. et regarde derrière toi, elle lève la tête et en te retournant, tu vas voir un autre infirmier qui se trouve là et qui se jette littéralement sur toi. Ok, j'aurais dit courir vers la sortie avant que je me saute dessus. Oh, elle va pas t'attendre hein, de toute façon. Trouvez le van qui est à l'extérieur. Alors, tu vas me refaire, je crois que pour encaisser, c'est pareil, hein, c'est un coriace, c'est coriace donc aussi, vas-y. Ouais. Comment ça se passe déjà ça ? Parce que c'est pour un combat classique, donc vous faites tous les deux des dégâts. Il va te blesser. Donc tu vas prendre deux dégâts. Mais tu arrives à le maîtriser. C'est sur l'armure celle-là cette fois, ça passe là, ouais. Pas à l'armure. Hein. Non, ça ne passe pas à l'armure. Okay. Par contre, okay. Donc ça va, je prends rien alors. Tu vas te prendre deux dégâts et me dire comment toi tu le frappes en retour. Si tu le frappes en retour. Un coup de pied dans le vide pour le dégager. Parce que tu tiens toujours le premier. Ouais, bah j'ai mes mains qui sont prises sur lui, sur le premier, donc il va juste se prendre un coup de pied dans le vide. Je cherche pas forcément à le blesser, mais à le faire reculer. Tu vas y arriver. À l'éjecter bien loin. Quoi. Tu vas y arriver à le repousser comme ça. Il va te taper dessus, mais le coup ne touche pas vraiment. Si j'ai bien d'accord. Compris avec ton armure. C'est ça. Donc, oui, t'as bien compris. Ouais, tu le repousses. Moi, j'ai rien pris. Moi, j'ai absolument rien pris. Par contre, faut que je fasse ça. Alors. Okay. C'est chiant, il m'ouvre une deuxième fenêtre à la con à chaque fois. Ok, tu sens le bras du premier soignant que tu tenais qui craque un bon coup, mais ça a l'air de tenir. Daria, Edna, vous allez voir l'infirmière que vous aviez déjà croisée le matin même, qui sort en courant à son tour, comme l'homme de tout à l'heure. Elle a l'air mordue ou quoi que ce soit, elle saigne. Non, a priori, elle a juste l'air complètement affolée, en panique totale. Moi, je me fais pas remarquer alors. Je suis en train de réfléchir. Ce qu'on nous a dit, c'est que c'était sensible au suif chaud, mais aussi à la lumière intense. Non, à la chaleur. À la chaleur. J'irais bien à l'intérieur derrière monter la chaudière au maximum là. Ok. Donc je vais m'infiltrer discrètement, je vais me mettre des habits d'infirmière au vestiaire pour pouvoir descendre jusqu'à la chaufferie pour monter au maximum le chauffage, etc. Pour faire crever de chaud tous ceux qui sont dedans. Moi, je vais faire un premier soin sur ma blessure et je vais, si tu me permets, faire un jet de... Je sais jamais comment on dit exactement. Read a bad situation vis-à-vis du garde forestier qui se réveille. Ouais, vas-y. Est-ce qu'il... Donc, ça me donne une question. Est-ce qu'il y a un danger que j'ai pas perçu ? Dans le van avec le... Vis-à-vis de la situation avec le garde forestier qui s'éveille ? Non, aucun. Tu le vois d'ailleurs, il va commencer à s'éveiller. Et son regard est encore vitreux un petit peu, mais tu sens bien qu'il n'y a pas d'animosité. Je lui prépare un petit café le temps qu'il se réveille. Bah, il va se réveiller mais au moment où justement tu vois Edna qui rentre dans l'hôpital. J'ai pu me soigner, ma blessure ? Oui, pas de souci. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, je lui tends le café, je lui explique tout de but en blanc. Mais tout, vraiment tout ce qu'on a pu percevoir, le coup du Wendigo, du tueur en série, apparemment d'ailleurs vous l'avez rencontré, voilà, le coup du Wendigo, et que s'il ne nous croit pas, on en a affronté devant chez lui, devant sa cabane. Je croyais que c'était... Extrêmement honnête. Je croyais que c'était terminé ces conneries avec Dahmer. Quand ils l'ont emmené en tôle. Il s'est échappé d'ailleurs. Ouais, j'ai cru comprendre ça aussi. Et je lui explique que d'après moi, les 12 disparus, là, les gamins, ce sont des Wendigo. Et on en a tué 4. Les 4 qui. Dont un qui s'en était pris à lui. Et je lui demande s'il peut. Si s'il arrive à bouger, comment il sent. Et mon but, en fait, c'est de indirectement de vérifier s'il arrive à sortir du seau. Donc, s'il est plus dangereux, maléfique. Et tu vas voir qu'effectivement, il arrive à en sortir sans problème. Un petit sourire, sans doute une petite joie qu'il comprendrait pas d'un coup, mais disons qu'on a trouvé un remède à ça. Et je lui explique que c'est le suif, c'est la tourte que j'ai essayé de lui faire avaler. Ah, c'est ça le goût. Oui. Ça va très mal avec le café. Je rajoute rien, j'ai juste un air un petit peu blasé. Voilà. Bonne journée, vous savez comment les combattre maintenant. Ah oh, putain. Mais je vous écoutez au fil des amendes peut-être. Et vous dites que votre ami a été touché par ça. Ouais, mais on lui a fait avaler aussi, donc ça devrait aller. Par contre, il y a plein d'autres risques de contagion. Et à part les brûler, leur faire avaler du suif, on n'a pas trouvé d'autres remèdes. Je vous déconseillerais de retourner dans la forêt. Hein. C'est sans doute là que rôdent les Wendigo. Il faut qu'on les arrête, qu'on appelle l'armée, peut-être. Bonne chance, Ogri, allez-y. Ouais, je vais faire ça, ouais. Par contre, vous êtes gentil, vous ne nous mentionnez pas. Hein. On vous a sauvé la vie deux fois. Fais-moi voilà, un jet de rien du tout, tu as raison, ça passe. Regardez, il acquiesce et il va prendre ses jambes à son cou en disant qu'il va aller appeler l'armée. Par contre, est-ce qu'on peut, si jamais il y a besoin, pour si on a l'air de combattre la même chose, je lui proposerais qu'on s'échange nos numéros, que si on puisse se contacter si besoin est pour combattre ce fléau. Oui, il va te laisser son numéro. Je lui laisse le mien. Edna, de ton côté. Oui. Tu arrives sans problème à trouver une petite tenue d'infirmière qui va vachement bien avec ta nouvelle coiffure. Mais je veux bien le croire. Si un petit bonnet d'infirmière, si ça camoufle, tant mieux. Disons que ça accentue ta perte de sourcils. Mais ouais. Et donc, je me dirige vers la chaufferie. Je suis les tuyaux. Tu peux passer derrière le comptoir de toute façon pour voir, il y a des plans, il y a tout ce qu'il te faut. Tu ne vas pas avoir trop de mal à trouver ça. Okay. Tu peux descendre à la chaufferie. Je cherche la chaufferie. Personne ne va t'arrêter. Ouais, je vais jusqu'à la chaufferie. J'ouvre les vannes à fond. Ok. Ça marche. Ricky, de ton côté, tu es donc aux prises avec ces deux infirmiers. Ouais. Tu as réussi à en repousser un hein, pour le moment. Qu'est-ce que tu fais? J'éclate. Je m'arrave la tête du premier que je maintiens au sol. Pas pour le buter forcément, mais pour le rendre inconscient. Oui. Fais-moi un petit jet de coriace, s'il te plaît. Un succès mitigé. Tu vas dans le feu de l'action, en fait. Tu en as un qui est en face, tu l'as repoussé. Celui que tu tiens t'a fait un peu craquer son bras. Tu vas juste le lever et le rabattre par terre. Ça va faire un nouveau crack. Après, il a l'air d'avoir perdu conscience. C'est bien. L'autre en face de toi va se jeter sur toi. Il en profite. Ouais. Donc tu vas me refaire un jet de coriace. Ah ! Pas bon. Ouais. Tu as combien en armure donc, tu disais ? 2. Ok. Alors tu vas prendre un point de dégâts. J'ai enlevé ton armure déjà. Ah oui, j'avais bien compris. Hein. Ok. Et pour l'instant, t'es aux prises. Edna, toi, tu es en train de remonter de la chaudière. Tu vas entendre, finalement, les bruits de lutte. Non, je vais aller voir. Donc, tu vas voir Ricky aux prises avec un infirmier. Daria, tu fais quoi? Ouais, ben je vais y aller. Hein. Je prends un grand saut de suif. Un grand saut, vraiment. quitte okay. à peiner à le trimballer. Tu traînes en tirant à deux mains un énorme saut de suif. Ah non, à une main quand même. Je m'assure d'en avoir une de libre. Ok, ça marche. Tu vas pas avoir de mal à arriver. Par contre, quand tu arrives à la porte, toi, tu vas voir, il y a plusieurs personnes qui ont l'air d'être des patients, qui sont en train de se barrer en courant. Ils vont à l'inverse de toi. Ils te passent est-ce à côté. Des blessés, c'est fais-moi un petit jet de sharp. Ou non, d'ailleurs, excuse-moi, tu vas me faire un jet de cool parce que là, c'est une action sous pression en fait. T'as vraiment une. C'est pareil. Okay, bah, j'ai le talent qui me fait passer ça en sharp. Et il y en a quelques-uns qui ont l'air d'être blessés. Après, tu sais pas si c'est des morsures ou autre, mais ouais, il y a une petite dizaine de personnes qui est en train de courir comme ça et t'en vois deux ou trois. Ouais, bah, je vais pas avoir le temps de faire du triage, hein, je laisse passer. Tu vas être même un petit peu bousculé sur le chemin. Mais tu peux rentrer à l'intérieur et tu vas apercevoir Edna qui va dans une direction et si tu la suis, vous allez tomber donc sur Ricky aux prises avec un des infirmiers. Et Ricky, oui, tu... un extincteur au mur. Hein. Ça marche. Ricky, tu peux agir en premier. Après, ce sera Edna. Ok, j'essaie de le maîtriser. Mais donc, il n'y en a plus qu'un. Je vais essayer de maîtriser celui-là. Corias. Bah, Corias, hein, je vais y aller. Hein. Le maîtriser pour qu'il soit niveau non agressif. Hein. Je suis vraiment dégueulasse ce soir, hein, allez-y. Hein. Il est assez rapide, il voit que t'as l'air quand même d'être une menace pour lui. Il a l'air de le comprendre. Avec ce que j'ai fait avant, oui, je suis une menace. Voilà, il dodge en fait, il va se baisser au moment où t'essayes de le choper. Et il va essayer de fuir, de partir en courant, ce qui l'amène sur ta trajectoire, Edna. Extincteur en mode bim dans sa gueule, mais pas en mode pite, en mode bam. J'avais bien compris. Et c'est parti. Voilà. L'extincteur part et vraiment la trajectoire c'est comme au baseball, Rick. Tu vois l'infirmier qui commence à prendre son élan, à courir. Il est très très rapide, ce qui l'a aidé aussi à t'esquiver. Et il va se prendre le cul de l'extincteur vraiment juste dans le menton. Ça va faire un gros bruit qui résonne de par la ferraille, mais aussi de par le bruit du crâne de ce cher monsieur. Et toi, Daria, alors que tu t'apprêtais à aller dans cette direction, tu vas juste voir une paire de pieds qui font un arc de cercle et l'infirmier qui va s'écrouler et glisser sur quelques mètres un peu plus loin. Il est inconscient ? Il a l'air très inconscient, oui. Et il a l'air... inconscient. Enfin, je l'identifie comme un infecté ou... Si tu t'approches et que tu vas voir, tu vas l'identifier comme un cadavre. Ah ouais. C'est pas moi. C'est pas moi. Je m'en vais. C'est pas moi. Oupsie. Je vérifie le mien. Bah, c'est un deuxième cadavre. C'est moi. Je m'en vais. Je suis qui récupère. Je n'ai jamais été là. Je vais récupérer ma guitare et je me casse. Oui, ben on s'en va, oui. Ok, vous abandonnez donc l'hôpital. Putain. Très bien. Vous partez où ? Bah, si tu nous as dit que la moitié des patients les ont entendus partir. Ouais, non, je me casse. Quoi. On vérifie. Sinon, il y a deux choses à faire. Non. Comme ça, si, il faut que j'aille là où il y a les caméras de surveillance. Et pour pouvoir prendre les bandes ou saccager les serveurs sur lesquels c'est... Oh merde. C'est pas une équipe de meurtriers. Pendant deux secondes, j'ai cru que t'allais dire « Je vais voir les bandes pour voir si on peut repérer où sont planqués les méchants. » Non, c'est juste pour couvrir vos crimes. Moi, j'avais tout de suite compris ça. Oh, je me casse, putain. Oh, mais ça suffit, là. Tout ce qu'on essaie de faire, ça se passe mal. Tu vas réussir à trouver les bandes et à effacer ça, c'est pas un problème. Je peux plus. Mais à part ça, vous allez où? Vous faites quoi? J'essaie de... Je sais pas. J'essaie de trouver peut-être si je croise des gens qui fuient, si j'entends des sirènes de police, si je... Je rentre à la maison. J'ai la chance qu'il faut, je rentre à la maison. Ah non, moi j'essaie de retrouver ceux qui ont fui. Hein. J'écume sur ma moto les rues. Voir si je trouve des patients ou des gars encore en tenue de l'hôpital pour vérifier s'ils vont bien. Tu écumes les rues au hasard. C'est bien ça. Oui, enfin une direction dans laquelle ils ont pu partir. Depuis l'hôpital, autour de ce qui se passe. Quoi. J'ai pas passé 3 heures, hein. Si je vois personne au bout de 10 minutes, je disais c'est trop tard, ils sont partis. Hein. Moi je vais te déposer Daria chez elle, parce qu'elle en a besoin, j'ai l'impression. Je crois qu'elle est déjà partie. Oui, tu vas sortir après avoir fait tes petites manips, et quand tu sors, le van n'est plus là. Il y a le van, j'ai pris ma moto, hein. Elle était à l'intérieur. Ah ok, je croyais que tu étais parti avec le van, très bien. D'accord. Moi je suis Ricky. Pour faire une couverture. Et puis parce que je me sens hyper guerrière aujourd'hui. Et pendant que je suis dans le van, je réfléchis, je vais me mettre à la hauteur de Ricky pour parler de van à moto. Pour lui dire que je pense que tous les gens, ils sont partis dans la forêt, à mon avis. Tu crois? Bon, il faut qu'on retrouve Daria pour lui demander dès qu'on aille tous en forêt après. Bon, ouais, je pense que c'est une bonne idée, moi. Bon, allons retrouver Daria. Bah non, je vais lui envoyer, je vais vous passer un coup de fil. Hein. Lance-moi 2d6, si Ricky, s'il te plaît. Pardon ? 2d6, s'il te plaît. D'accord. C'était un 6. Non, tu vas croiser personne dans ton petit tour en ville comme ça. Ok. Daria, tu arrives chez toi, qu'est-ce que tu fais ? Rien, hein. Je vais écrire une fanfiction pour me détendre. Tu vas avoir... Dans ma tête, le garde va appeler l'armée et puis on verra bien ce qu'il en vient. J'imagine que t'es un petit peu paniqué, effectivement, et tu vas recevoir un message d'Edna, hein, qui te dit qu'il faut aller en forêt et qu'elle suppose que les infectés se réunissent là-bas. Je leur dis que le garde forestier va envoyer l'armée, qu'à mon avis, on salira rien au milieu. Quoi. On fait par Ricky. Ouais, et ben là le sommeil me rattrape, c'est vrai que là j'étais dans le feu de l'action, mais j'étais déjà somnolent avant, en fait je vais aller rentrer me reposer, parce que je te le dis clairement, je suis pas bien. Je vais me faire les premiers secours en arrivant chez moi, et je vais aller me coucher. Monte le chauffage, hein. Moi je pense que ça va, d'ailleurs je vais vérifier mon bras en rentrant chez moi aussi, de nouveau après le rêve que j'ai fait. Mais tout seul. Tout seul, hein. Je vais vraiment... Ça marche. Faut que je m'isole. Ton bras est toujours blessé. D'accord. Je vais me faire les premiers soins avec les coups que j'ai pris. Tu peux. Il est toujours blessé, mais la plaie a l'air saine. Et tu as pu cette sensation de faim. D'accord. Et je pense que là, je vais m'écouler de fatigue. Ça marche. Edna, de ton côté ? Je vais rentrer à la maison et je vais essayer de discuter avec ma passagère. Pour voir si elle était au courant des Wendigo, etc. Au courant des, pardon ? De la présence des Wendigo, ce genre de choses dans la forêt. Savoir s'ils ont un lieu de prédilection. Ce qu'elle en fait. Ok. Fais-moi un petit jet de Weird, s'il te plaît. Voilà. Tu vas avoir des images qui vont te venir comme les premières fois. Et tu vas comprendre que c'est des images de sa captivité avant qu'elle s'échappe. Ça te semble être une grotte. Elle n'y voyait pas grand-chose, mais tu as les sensations qui vont avec. Tu sens la terre sous tes doigts, la pierre, des murs. Elle n'était pas toute seule. Gardez-la. Il y avait d'autres personnes avec elle. Hein. à l'époque, en tout cas, où elle avait été capturée et enfermée là par Dahmer, il y avait d'autres personnes, ouais. Ils en ont jamais parlé dans les journaux de ça. Non. Non, non, mais il y avait eu plusieurs, étant donné que il avait fait plusieurs victimes, ça avait traîné sur le long terme. Et ils les auront jamais toutes retrouvées. Ok, donc j'essaye de voir sur les cartes de la région, des choses comme ça, s'il y a mentionné des grottes en forêt ou pas. Tu vas pouvoir en trouver, oui. Pas si beaucoup, loin que ça. Il y en a quelques-unes, mais tu vas en trouver qui se trouvent pas si loin que ça du lac, justement. Préviens Daria de ce que j'ai trouvé. Daria, mais elle lui envoie des textos. Donc Daria, tu reçois les avancées des recherches d'Edna qui est à fond dedans. Tu m'as suivi, on a découvert quoi ? Alors que je t'envoie des SMS, des textos, parce que j'ai compris que tu n'avais pas trop envie d'être dérangée. Pour te dire que je discute avec ma passagère, etc., et qu'elle m'a envoyé des images des lieux où elle était retenue captive, et que j'ai trouvé que c'était dans des grottes, et j'ai trouvé sur les cartes et registres du coin les endroits pas très loin du lac où justement il y a une concentration de grottes, et que ce serait là que les Wendigos se trouvent. Ouais, moi, je serais d'avis de lire, d'attendre de voir ce qui se passe vis-à-vis du garde forestier avant d'aller. Ok, donc on verra demain. Vous allez donc passer une nuit plus ou moins agitée pour certains. Je ne sais pas si certains d'entre vous repensent aux événements de la journée, en tout cas. Ça dépend. Ça dépend à quelle heure je me réveille. Oh, toi, tu vas dormir un bon moment. Ça, ok. Tu vas te réveiller, par contre, oui, vu l'heure à laquelle tout ça s'est passé, oui. Tu vas te réveiller en milieu de soirée. C'est parfait. Et alors que tu te réveilles, tu as ta nouvelle amie. Bah oui. Elle est assise sur une chaise dans la pièce. Elle te regarde un petit peu avec dédain. Tu peux vraiment pas t'en empêcher. Hein. Non, ça arrive, hein, les accidents. Hein. Je voulais pas. Hein. Oui, bah moi non plus, je voulais pas. Bah, pourquoi tu m'as sauté dessus, toi ? Et tu vois qu'il y a cet infirmier qui est de l'autre côté de ton lit. Non mais alors autant j'accepte, je lui dis à lui, hein, autant j'accepte une ravissante demoiselle dans mon lit, mais autant toi, si tu peux attendre au salon, hein, ça m'arrangerait un peu. Hein. Et tu crois que ça m'amuse, moi, d'être là ? Et c'est ça, l'élu. Ouais, il va s'y mettre aussi. Tu t'attendais à quoi, de toute façon ? Hein ? À essayer de taper sur tout ce qui bouge comme ça pour trouver. Il allait bouffer Michel ! Il allait bouffer Michel. Mais bien sûr. Tu veux dire le contraire, toi, dont je ne sais pas le nom ? Oui, je pouvais dire le contraire, oui, sans problème, vu que tu me maintenais sur le sol avant de m'éclater le crâne. Et avant que j'arrive, t'étais en train de faire quoi en étant au-dessus de Michel dans le couloir alors qu'elle gueulait ? Mais c'était pas moi, c'était le truc à l'intérieur de moi. Bah oui, bah excuse-moi, j'ai essayé d'arrêter le truc à l'intérieur de toi, mais il y avait toi en de... En cognant le crâne sur le sol. Magnifique. Et du coup, je voulais pas te tuer. Magnifique. Hein, je voulais juste t'empêcher de nuire encore un peu. La conversation désolé, va hein, tourner buter, un petit peu en rond comme ça pendant un moment avant que tes deux nouveaux amis discutent ensemble pour te critiquer, bien entendu. Ouais, bien sûr. Je pense que je vais descendre à la cuisine me servir un verre. Daria, tu vas recevoir des pings d'alerte de toutes tes veilles sur Internet. Apparemment, il y a un gros truc qui se passe à l'hôpital de la ville. La zone aurait été bouclée assez rapidement. Certains parlent d'intervention du gouvernement, d'expérience, etc., etc. C'est assez flou, mais c'est le bordel. J'ai des nouvelles du garde-chasse ? Pas tout de suite, mais tu vas finir par recevoir un message. Il t'écrit, justement, je les ai appelés apparemment, c'est sous contrôle. Ok. Et alors que tu reçois ça du côté de Ricky, ça va toquer à ta porte. Okay, je regarde qui c'est avant d'ouvrir. Hein. Je suppose que j'ai une fenêtre sur le côté ou quoi que ce soit pour vérifier. Ça marche. Tu vas avoir le plaisir de voir ta maman. Oh putain, mec. Ah, j'ai pas envie de lui parler à elle, putain. Oh putain, je râlerai en ouvrant la porte. Ce qui va s'ajouter aux railleries de tes deux nouveaux amis qui sont derrière toi, bien entendu. Je les oublie là, par contre. Tiens. Oui. On daigne enfin ouvrir à sa mère. Ah, parce que tu te considères encore comme ma mère avec l'enfance que j'ai passée. Ah, toujours à se plaindre et à geindre. Et ton père pense qu'il y a encore quelque chose à récupérer de toi. Elle va te pousser à moitié pour rentrer à l'intérieur. Dans ma jeunesse. Mais quelle porcherie ici. Oh bah je t'en prie, fais comme chez toi. Hein. J'y compte bien, jusqu'à preuve du contraire, c'est l'argent de la famille qui a payé cet endroit. Oh, si vraiment vous voulez le reprendre, je me casse, je me trouve autre chose. Je vous la laisse. Hein. Nous avons été contactés apparemment. Il y a eu quelques problèmes à l'hôpital, si j'ai bien compris. Elle fait un signe vers ton bras, tout en s'allumant une clope. Ah, voilà. C'est parce que ça va entacher sur le nom de la famille Beck que ça y est, on daigne venir encore me parler. Il serait bien que tu grandisses un petit peu, Richard. Parce que tu vas me dire, parce que tu t'inquiètes pour ma santé. Je suis ta mère, voyons. Évidemment. Ce n'est pas père qui t'a envoyé encore une fois pour vérifier que son investissement à long terme se porte bien. Il est en ville. Super. Il aimerait te parler d'ailleurs. Moi j'ai aucunement envie de lui parler. Comme si tu avais le choix. Il voudra parler à tes amis aussi. Qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dedans ? Eh bien, tu le verras quand tu discuteras avec ton père. Il est présentement en train de couvrir tes bêtises. Mes bêtises. Quelles bêtises ? Je sais même pas ce qui se passe. Bien entendu. C'est toujours toi, Richard, qui sais mieux que les autres. Je vais encore avoir le même refrain que tous les jours, tous les ans de ma vie que j'ai passé au manoir. Si tu apprends à faire les choses correctement, peut-être que ça n'arrivera pas. Elle va écraser sa clope directement sur un magazine de rock qu'il traîne par là. Bon. Eh bien, le message est passé. Ton père te contactera en temps voulu. Comme d'habitude. Et elle va quitter l'endroit. Je claque la porte derrière. Et je me retourne et je regarde les autres, j'ai pas un mot. Oh, on a des problèmes avec sa maman. Edna, de ton côté, tu fais quoi ? Alors, de mon côté, j'essaye de prendre, de reprendre les journaux pour voir un maximum le nom des gens qui ont disparu, des gamins qui ont disparu, pour savoir à qui on a affaire et qui c'est qui est devenu Wendigo, et puis remonter pour voir un petit peu qui sont leurs familles, dans ce que je connais, les gens du coin, etc., pour un petit peu tracer comme un arbre généalogique Wendigo sur le coin. À part le fils d'Hammer, c'est le seul qui a vraiment un lien, en fait. D'accord. Après, je suis en train de réfléchir aux moyens de à part foutre le feu, de réchauffer le coin. Le réchauffement climatique, ouais, je connais. Pour pouvoir réchauffer, on va dire, la zone, si on a besoin d'éliminer un maximum de personnes... ou d'armes qu'on pourrait faire à base de chaleur, voilà, je réfléchis à ça. Peut-être qu'on pourrait avoir des sortes de, comment ça s'appelle, de lance-pierres, mais on lancerait des chaufferettes sur les gens, enfin, je sais pas, je réfléchis, quoi. Ok. Si ma passagère a des idées, elle peut me les donner. Non, pas plus que ça. Mais elle en a pas, ouais, je me doute. Daria, tu vas avoir un appel du garde forestier. Ok. Mademoiselle Moore ? Oui, allez. Je sais pas trop ce qui se passe exactement. J'ai été faire un tour du côté de l'hôpital. Je crois que j'ai fait une connerie. Mais vous avez pas dit que vous les envoyez dans la forêt, les militaires ? J'ai dit que je les appelais, mais apparemment, ils ont complètement bouclé l'hôpital. Plus rien ne rentre ni ne sort. Et la forêt ? Ils sont en train de la ratisser. Mais il a l'air de baisser un petit peu le ton, comme s'il avait peur qu'on l'écoute. C'est pas les militaires habituels. Ils ont pas d'uniforme officiel ou quoi. C'est assez étrange. Est-ce que dans vos trucs bizarres là, d'occultisme, tout ça là, vous avez déjà croisé des gens comme ça ? On dirait que. De me les décrire, leur blason, leur habit. Ils ont pas vraiment de blason. Pas d'insigne ? Ils sont très équipés, c'est sûr, mais ils ont tous une espèce de masque avec une tête de mort dessinée dessus. D'accord. Et est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui permet de les identifier comme des militaires, ou c'est juste des tarés, en fait ? Y a un homme qui est venu me voir, qui s'est présenté comme étant un général. Il avait un nom ? Il me l'a pas donné. Il vous reste des congés libres ? Des congés. Congés. Je crois qu'en ce moment, c'est pas le moment que je prenne des congés. Ah ben si, hein, moi je crois qu'au contraire, ça serait pas une très bonne idée de rester au milieu de tout ça. Ok, oui, d'accord. Le problème, c'est qu'ils m'ont dit qu'il fallait pas que je bouge. Tenez-nous au courant. Si possible, les cabines téléphoniques. Je lui donnerai un autre numéro sur une boîte vocale. Et voilà, d'une manière qu'il puisse. Voilà, d'une manière plus discrète et tenez-nous au courant. Mais je vous remercie en tout cas pour le suivi. Ok. Qu'est-ce que vous faites ? Moi, j'appelle le Etna. Oui. Mais allô ? C'est moi. Oui. Ça va de l'autre côté ? Ah bah, moi, ça bitch, hein. Je suis en train de réfléchir à ce qu'on pourrait faire. J'ai vérifié toutes les généalogies des gamins. J'ai repéré où étaient les grottes où se planquent les Wendigo. Les grottes où se planquent les Wendigo ? Ah oui, c'est vrai, mais je t'ai pas envoyé un SMS. Non ? Tu l'as pas entendu ? Je regarde mon téléphone, peut-être je l'ai eu ou pas. J'étais un peu occupé. Il se passe quoi en ce moment en ville là ? J'ai vu que. Enfin, non, j'ai pas vu. Je sais pas, il y a la grisoune qui a encore foutu le camp. Bon, Daria est ok pour qu'on aille voir cette grotte ou pas là ? Ça se trouve, c'est là où se planque le. C'est là où se planque le premier. Ah ben, je pense bien, oui. Moi, je pense que c'est le père qu'on doit trouver. Hein. Puis que si on lui règle son compte au père, on règle son compte au suivant aussi. Hein. Bon, enfin, je sais pas, Daria, elle est chez elle depuis. J'ai pas de nouvelles. Je vais envoyer des SMS, mais aucune nouvelle. Ok, je vais essayer de l'appeler. Merci. On se retrouve peut-être là-bas. Je l'appelle et je te tiens au jus. Ok, merci, à tout à l'heure. J'appelle Daria après. Bah, je lui dis ce que je sais et que voilà, moi d'attendre quelques temps que les militaires entre gros guillemets fassent ce qu'ils avaient à faire en forêt et ensuite aller voir après par. Mais si c'est pour tomber au milieu d'eux. Mais pour l'instant ils sont pas en forêt, ils sont en pleine ville. Si, c'est ce que m'a dit le garde forestier, ils sont sur place aussi en forêt. Ah. Tu vas avoir un double appel, Daria, au moment de ce long silence de Ricky. Ouais, je le prends. C'est le garde forestier qui te rappelle. C'est qui ? Ah, ok, vas-y. Mademoiselle Moore ? Oui ? J'ai eu un appel. C'est Damer qui m'a appelé. Ah ! Et il n'était pas très cohérent. Il m'a dit des choses assez étranges et il m'a donné un rendez-vous. Et où ça, à quelle heure ? Et il a dit que si je venais pas, il s'en prendrait à ma famille, à mes parents. Où ça, à quelle heure ? Dans l'après-midi, chez lui, enfin. Chez la maison de son ex-femme. Elle se trouve où ? Demande l'adresse en fait. Il va te citer l'adresse. Vous l'aviez déjà, c'était l'adresse quand vous aviez cherché l'adresse de l'enfant de Tibi Damer. Ok, ben si vous voulez, si les autres gens de mon groupe sont d'accord, on vous accompagne. On vous aide, histoire que vous y allez pas seul, quoi. Par contre, oui, si vous pouvez envoyer votre famille ailleurs, d'ici quelques temps, je pense que ça vous éviterait de l'inquiétude. Les mettre à l'abri. Et il a dit que si je venais pas seul, il écorcherait ma mère devant moi. Qu'il profitait de les envoyer ailleurs maintenant. Et on n'y reviendra pas avec vous directement. On contournera, on passera par derrière, ce genre de choses. Ouais, d'accord. Je vais faire ça, ouais. Et il va raccrocher. Ben, j'appelle les autres et je les préviens. Et vu qu'on a l'adresse, moi j'en profite pour voir si on peut. Déjà via internet, se faire une idée du plan, enfin de la disposition de la maison, pour voir comment l'aborder au mieux. J'ai récupéré quelque chose avec la nuit ou pas ? Bah, tu t'es fait des premiers soins, donc t'avais récupéré un. Ouais. Et là, avec la nuit en plus, tu peux avoir récupéré un de plus. D'accord, merci. On récupère un avec la nuit, c'est ça ? Oui. Tant que c'est des blessures stabilisées, pas de problème. Oui, c'est stabilisé. Ouais. Ok, bah écoute, si on reçoit le message ou tout ça, bah, on va se préparer. Hein. Ouais. Vous préparez quoi exactement ? Bah moi j'emmène mon attirail habituel. Salut vous. Juju, Magnum. Edna. Ouais, le bonbonne chalumeau. Ok. Vous allez arriver. Je vais préparer un masque avec du maquillage dessus. Ok. Vous allez arriver dans un quartier vraiment pauvre. Des petites baraques particulières, mais la majorité sont quand même pas loin de l'insalubre. Et vous allez repérer la bagnole du garde forestier qui est un peu plus loin. Il emmène pas large, hein. Franchement, il est pas bien. Et il vous fait un signe de tête quand il vous voit arriver. C'est celle-là, là-bas. Et on a pu donc avoir une idée de la... savoir s'il y a un passage par l'arrière dans cette maison. Alors, comme c'est fait, c'est donc des petites baraques individuelles. Il y a juste une petite barrière, tu sais, en bois, qui fait tout le tour. Donc, il y a un jardin, enfin, il y a un bout de terrain devant, mais il y a aussi un jardin à l'arrière. Généralement, vous savez que dans ce genre de maison, il y a toujours une porte à l'arrière, ainsi que soit à l'arrière, soit sur le côté, des espèces de portes sur le sol qui mènent directement à la cave. Ok. Ouais, moi je serais d'avis, donc je lui demande s'il a pu mettre sa famille à l'abri quand même. Je leur ai dit, ouais. Je sais pas s'ils le feront, mais je les ai prévenus. Je lui souhaite bon courage, je veux dire qu'on va essayer d'entrer par l'arrière et de tomber dans le dos de Damers. Faudrait peut-être qu'on se répartisse les différentes entrées, hein. Je suis pas forcément d'avis de se disperser, mais comme vous voulez. Bah, rester ensemble toutes les deux, je couvrirai l'avant pour entrer au cas où. S'il y a un problème. Moi, mon but avant de rentrer, c'est à l'arrière. Proche d'une porte, je ferai un cercle de protection. Pas, pour que si jamais il y a un problème et que je m'enfuis, je puisse avoir un endroit où qu'il soit un abri, où le Wendigo ne puisse ne pas rentrer. Un truc de 2 mètres facilement. Je suis désolé, je rigole tout seul là derrière mon micro parce que j'imagine les gamins, tu sais, qui jouent au loup et puis il y a un cercle par terre et ils crient perché quand ils sont dedans. Tu peux penser à ça, c'est parfait. C'est exactement ça. T'as aucun problème. Tu veux pas en faire un tout autour de la maison? On va essayer un petit peu d'être calculé quand même si on fait ça. Et y a on fait coucou devant la fenêtre en passant au mec. Il te fait coucou, on fait juste un cercle, on revient. Tu peux me faire un... Ça dépend comment tu veux le faire. Si tu fais juste un cercle comme ça pour te mettre à l'abri en cas de danger, il n'y a aucun problème. Par contre, tu vas même y arriver. Vu tes jets que tu as fait avant, je ne vais pas t'en demander un juste pour faire ça. Il fonctionnera. Par contre, si tu veux en faire un tout autour de la maison, il y aura un jet de weird à faire. Bah autour de la maison, non, parce que moi, enfin, il y a quand même un gros risque qu'on se fasse repérer, quoi. D'où le jet? Non, juste un chat perché à l'arrière. Pour une, deux personnes. Bah, 2 mètres. Voilà. Non, Ricky est gros, ça marche pas. Ouais, y'a que toi qui rentre pas. Et merde, sauf ma moto, moi. Alors. On va faire un petit plan à main levée. Ça me paraît judicieux. C'est le moment. Le moment du plan. Enfin, je l'ai attendu toute la soirée, ce plan à main levée. Alors, on va dégager ça. Je le fais en rapide. Je le fais en bas encore. Hop. Fait. Une petite maison. Voilà. Voilà, la porte de devant, il y a une porte à l'arrière et la cave sur le côté. Sauf que je suis pas sur la bonne couche comme un gros con. Ah putain. Vous pouvez mettre vos pions pour que je sache à peu près. L'entrée, je suppose que c'est... Celle du bas. En bas, donc ok. Non, si l'entrée est là, moi je suis là. Enfin, je suis là... Caché derrière Edna, hein. Ouais, on a compris. Edna. On n'est pas là, genre on vend des bibles, quoi. Tu viens à l'avant avec moi, toi ? Ah non, nous on est à l'arrière. C'est... J'étais en train de me dire que le coup des bibles... Ah, si tu veux vendre une bible à Wendigo, écoute... Ou du suif. On vous a déjà parlé des vertus thérapeutiques de la graisse d'oie. Je vends des cookies à la graisse d'oie. C'est horrible. Bienvenue à tous nos amis Gascon. Nous on donne des cookies à la graisse d'oie. Ça sent la recette bien dégueulasse. Donc comment vous procédez ? Là, Ricky, t'es avec le garde forestier qui, et tu le vois, il a les mains qui tremblent, il vérifie de temps en temps sous sa veste. Tu supposes qu'il a une arme ? Ou des démangeaisons. Ou des démangeaisons. Derrière, vous attendez pour l'instant ? Ah ben oui, on attend. Daria fait son petit cercle chat-perché et doit sûrement agiter tous les joujoux. Et Moi, dès que je vois qu'ils rentrent, j'attends 30 secondes et puis après je commence à rentrer. Hein. Bah là, tu les vois pas de l'autre côté. Hein. Tu les vois aller à la porte. Je pense que tu peux entendre, par contre. Oui, voilà. Et du coup, le garde forestier se tourne vers toi, Ricky. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Toquez, éloignez-vous de la porte. Ok. Il va s'approcher de la porte et il va toquer. Il n'y a pas de réponse au début. Et au bout d'un moment, il s'éloigne de la porte au moins parce que. Pardon, j'ai pas bougé son token. Il s'éloigne un petit peu, mais il reste par là. Alors, où est-ce qu'il est ? Tu vas le voir. Juste au moment où tu ouvres la porte. Je suis caché derrière un arbre, peut-être quelque chose, moi. Bah, si t'es caché, tu me dis, pas de problème. Ok. Tu vois Jeffrey Dahmer qui ouvre la porte et il fait un grand sourire au garde forestier. Ah. Je suis prêt. Eh ben, rentre. Et là, le garde forestier, il hésite. Lui, il te voit un petit peu. Tu vois. Il s'est reculé suffisamment, il te voit. Et il va se tourner un peu vers toi, il est en panique. Il te regarde. Tu dis rien, tu fais rien. T'as juste pour me remémorer ce qu'il lui avait dit à la base. Ce que j'ai un trou de... La maison, c'est celle de qui, celle-là ? Eh ben, c'était la sienne, hein. Celle de Dahmer. Bah, du coup, maintenant, c'est celle de son ex-femme. Ok. Bah, c'est bon, moi, j'y vais. Alors, moi, je fonce dessus. Je passe à côté de notre cher ami et je me plante devant lui. Ma guitare à la main, bien sûr. Hein. Et je le repousse. Enfin, je me mets entre les deux pour pas qu'il attaque, bien sûr. Ok, mais tu fais quoi là, dans ton action exactement là, tu fonces dessus, ouais. Et tu fais quoi Alors je commence, je suis derrière l'arbre et je suis avec ma gratte et je joue mon plus beau son en arrivant vers lui. C'est le pire des élus. Et j'avance vers lui et je fais, c'est plutôt avec moi que vous allez discuter ce soir, et j'entre pour lui foutre un gros coup de pied dans le bide pour le faire repousser en arrière dans la maison. J'en peux plus, toi. Bon, j'entends ça, j'entre à l'arrière. Ouais, tu l'entends. C'est le son, c'est le signal pour qu'elles entrent à l'arrière, putain. Ils ont compris que quand je commence à jouer de la musique, c'est que c'est parti. On entre à l'arrière. Ça marche. Vous n'avez aucun problème à rentrer, la porte est ouverte. Tu lances ton coup. Vas-y, fais ton cool. Non, mon cool. Ah, ton cool, oui, pour le truc. Pour le truc débile. Voilà. effectivement. Ah bah, il est complètement stoïque. Il est subjugué par cette apparition, bien sûr. J'ai mon masque avec le maquillage et tout, hein. C'est magnifique. Et de toute façon, il te fait un grand sourire, il a l'air content de te voir arriver. Et tu fais quoi maintenant qu'il est stoïque? Ah bah, je lui fous un gros coup de pied pour le foutre à la renverse qui se tombe sur le dos. Hein. Ah, coup de pied, on en est plus. Ouais, si, coup de pied, parce qu'il m'apparaît normal, là, on est d'accord. Il t'apparaît normal, il est assez grand. Clairement, il a l'air plein d'assurance, mais il te paraît assez normal. Ok, donc je fais ce que j'ai dit. Ouais, je lui fous un gros coup de pied dans le torse pour qu'il se, en fait, pour le mettre au sol, en fait, quoi. Vas-y. C'est un 10. Alors, tu vas arriver pour lui mettre ce coup de pied. Ouais. Et en fait, c'est comme si tu tapais dans un mur. Ah, à ce point-là. Tu tapes au niveau de son ventre et vraiment, ça arrête ton pied d'un coup. Il regarde ton pied. Il te regarde toi. Et il va se pencher un petit peu. Vous êtes coriace, vous, hein? Ah. Tu t'en es débarrassé. C'est dommage. Tu comptais me faire rejoindre ta meute? Il va juste attraper ta jambe et te jeter à l'intérieur. Tu vas vraiment, tu ne prends pas de dégâts. Ah ouais. Mais tu vas traverser la porte en 2 secondes. Tu vas être jeté dans un salon et tu vas rouler à l'intérieur. Daria, Edna, vous êtes rentrés. J'espère qu'il a profité pour se barrer quand je me suis mis devant lui, l'autre, parce que. Oui. Pour l'instant, il était. Tu ne sais pas, tu n'as pas vu. Au moment où t'as foncé, t'as tapé, il était resté. Il était un peu stoïque à regarder ça, ce qui se passait. Il était subjugué par mon entrée. Exactement, je pense que c'est ça. Daria, Edna, vous avez réussi à ouvrir la porte. Vous êtes rentrés dans une cuisine. Et alors que vous entendez qu'il y a du grabuche devant, vous ne voyez pas ce qui se passe exactement. Vous l'entendez. Et vous allez aussi entendre autre chose. Il y a quelqu'un qui pleure. Ça a l'air de venir. Il y a une petite porte dans la cuisine. Et ça a l'air de venir de par là. Bah, on ouvre. Il y a un escalier assez sombre. Il y a une vieille ampoule que vous pouvez allumer en tirant sur une petite chaînette. Ça a l'air de descendre en direction de la cave. Ouais, moi j'irais pas me risquer comme ça. Si j'entends que ça bastonne, je vais plutôt aider Ricky. Hein. Parfait. Je referme et j'allume pas. On prévient. Moi je préviens ma passagère qu'on va s'attaquer à celui qui est responsable de sa mort. Donc si elle veut se joindre à Lalali, qu'elle se joigne. Et tels les Ghostbusters de la banlieue. Je m'arme de ma bonbonne et de mon chalumeau, prête à faire feu. Vous avez interdiction de me cramer le cul. Mais comme ça. Il faut mettre une amende. C'est ça. Vous arrivez donc, vous voyez, si vous avancez un petit peu, vous passez une porte. Ça donne sur un salon. Il y a un canapé assez usagé qui est là. Ricky a été balancé au sol à côté, vous le voyez rouler là, et de l'autre côté. Il y a Damer qui se retourne et le regarde. Je vais faire un petit jet pour voir s'il vous voit. Lancez-moi toutes deux un D6. Il verra juste le plus bas d'entre les deux. Donc il t'aperçoit, Daria, et il te fait un grand sourire. Oh, des invités. Mais... à moins que ce soit le déjeuner. Il dit ça en te regardant, Ricky. Alors, vous savez, j'ai la peau dure, hein. Mais bon, je pourrais toujours vous tailler quelques tranches. Et je sors, bien sûr, ma guitare qui s'allume. Il parlait clairement de Daria, hein, en parlant de déjeuner. Ah, pardon. Je pensais qu'il parlait... Oui, bon, je m'en fous. Ça change rien. Chose, hein. Rien. Non, pas que je m'en fous de Daria, hein, mais juste que je vais le tailler en tranches. Hein. Ok. Eh ben, tu agiras en premier, après Daria, tu peux agir, et ensuite ce sera Edna. Oui. C'est toi, j'assure que j'y vais pas avec le pied. Hein. Très bien, bah écoute, ma guitare est chaude, hein. Elle a soif de sang, elle n'a pas encore bu depuis un moment, donc je vais essayer de trancher cet horrible personnage. Eh bah vas-y, jette Corias. Effectivement, ta hache n'a pas eu de sang depuis un moment, vu que tu prends tout pour toi, Ricky, espèce de maniaque. Je sais. C'est un 8. C'est dégueulasse, mais ça passe quand même. Alors, ça passe. Je regarde. Je note. Elle fait combien de dégâts ? 4. 4, ok. Et elle est magique, hein, bien sûr. Ça, oui, je n'en doute pas. Tu vas te prendre 4 dégâts, toi aussi. Ah putain, mec. Et là, c'est la mêlée. Tu fonces dessus, il t'a mis une claque en fait, tu la vois venir mais tu n'as pas le temps de t'éloigner. Ses mains, c'est des griffes. Non, ah, un cas du répondant enfin. Daria, à toi. Je me refais un arbre perché autour de moi. Et moi. Ok, le temps que toi, tu fasses l'occupe. Ça, ça va prendre ton moment. Vas-y, tu peux faire un petit cercle. Edna, de ton côté. Bah, frouche, hein. Tu allumes dans le salon ? Oh, j'allume où ? Non, oui, j'allume, mais okay. Loin de Ricky et d'Aria. Hein. S'il est alors, loin de Ricky, ça va être dur, il est au corps à corps avec, avec Demeur, là. Non, c'est pas possible. Eh bien, je vais y aller. Je vais lui foutre un gros coup de bonbonne sur la tête. Ouais, t'approches pas trop. Ok, hein. Tu te jettes dans la mêlée, vas-y. Oui. Fais-moi un coriace. Non, un weird. Oui, c'est vrai. Tout se passe par le bizarre et l'anormal. On ne m'arrête plus. Elle est plus douée que moi au corps à corps, c'est pas possible. Alors, on avait statué sur le nombre de blessures ou pas ? Pas du tout. Eh ben, ça dépend ce coup de l'arme. Ben là, c'est un coup de la bonbonne directement, si j'ai bien compris. Oui, c'est la bonbonne. Il y avait un truc pour les armes improvisées. Ouais, ça doit pas être énorme, je crois. Dégâts, je les ai vus quelque part. Attends, je vais retrouver la page. C'est la page dégâts. Ah, je sais que les coups de poing, ça doit être 1. Donc une arme improvisée, là, j'imagine que ça doit être 2. En métal, quand même, pleine de gaz, quoi. Dégâts. Est-ce que ça fait une étincelle? Putain, elle est où la page dégâts, niveau? T'as tellement de pages aussi. Ah oui, c'est sûr, c'est le plus gros livre de règles qu'on ait vu. Dégâts, 219. Oh, mais en fait, non, il n'y a pas de truc à improviser. Alors écoute, pour le moment, je vais considérer comme un coup plutôt classique avec d'accord. Un petit bonus parce que tu as une arme, hein, c'est pas juste à main nue. Merci. Donc je note ça. Tu peux d'accord. M'en faire un deuxième word juste, s'il te plaît. Oui. Voilà le deuxième. Ok. Raté. Tu ne marques pas d'expérience pour celui-ci, hein, par contre. Non. Et ça va passer à lui, du coup. Enfin non, d'ailleurs, c'est pas comme ça que marche le système de combat. Ça va repasser à toi, hein, Ricky. Vu que tu prends des dégâts en fonction. Il ne fait rien à l'extérieur au cas où, c'est juste pour savoir. Non, à première vue, il s'est barré. Tu l'as oublié, hein. Non, tu t'as tout fait pour qu'il se barre, il s'est barré. Hein. Ok, très bien. Ah ouais, moi je suis au corps à corps avec lui, hein. Moi, je continue, hein. Je vais en faire des salamis. Hein. T'as un 9, on peut pas faire un 10 là, vraiment. Alors tu as dit 4, hein, c'est ça? Toujours 4 dégâts, ouais. Et bah, du sang commence à gicler de partout. Tu prends la même chose. Et d'ailleurs, bah, là le salon commence à être rouge, hein, parce que c'est cool aussi. Il te met des. En fait, il te balance des claques en même temps que tu lui balances des coups de hache. Donc vous avez vraiment en face de vous un énorme combat de bourrin. Ça gicle un peu dans tous les sens, vous allez en prendre un petit peu dans les yeux. Hein. C'est hardcore pour le coup. Et Daria, c'est à ton tour. Est-ce que je suppose que je peux pas reculer un peu sous le coup là, avec les dégâts que je prends? Non, là vraiment, c'est le corps à corps de brut. Ouais. Ok. Daria, tu fais quoi? Jus. Ok, alors tu es pas au corps à corps toi, donc il n'y a pas de riposte. Au niveau des dégâts, il y avait un montant de dégâts sur tes jujus ou pas? 1. 1, ok. C'est noté. Edna, du coup. Tu es pas loin, hein. T'es pas directement au corps à corps, tu mets des grands coups de bonbonne, enfin, c'est ce que tu as fait tout à l'heure. Ouais, mais Je vais refaire pareil, quoi. Ok. Si, de toute façon, Ricky est au corps à corps contre lui, si, je peux pas. Ah, tu peux essayer, hein. Sur un jet au-dessus de 10, il n'y a aucun problème. Hein. Au-dessus de 10? Oh putain, je vais crever, c'est bon. Tout ce qui est avant, c'est réussite mitigée. Donc là, avec ton collègue au corps à corps. Un coup de bonbonne sans allumer. Oh putain. Non, j'ai mis un coup avec la bonbonne, alors. Hein. Non, c'est des bons coups de bonbonne que tu mets quand même. Oui, je lui mets des coups de bonbonne. Ah oui, t'as pas de gun. Si, j'ai un gun, mais... Là, justement, tu vois... Quand c'est sur un résultat mix comme ça, tu vas lui mettre un coup de bonbonne, mais c'est la deuxième fois déjà, donc il t'a vu venir. Il va te mettre un petit revers de la main avec ses griffes. Ouais. Tu vas prendre 3 dégâts. Ah, c'est gentil, ça. J'en ai 4, quoi. Oui, vraiment. Là, il est concentré sur toi. C'est juste que, bah, à côté, il y a Edna qui le dérange. Il la repousse. C'est pour ça que je dis ça. Putain, ça va. Et on en revient à toi encore, Ricky. Ah, bah, par contre, là, je me sens un peu essoufflé et tout. Y a une aptitude défensive ou pas? Je sais même pas ça, je suis pas très sur la défense. Mais... Non. Soit tu tabasses, soit tu peux essayer de fuir. Soit tu tentes une autre action, mais tant que c'est en combat, ça sera toujours du coriace. Ok. Ok. Ça se passe comment? Si je suis à 4, je meurs. Si je suis tout full, c'est mort? Ou si c'est faux, un de plus après? Putain, c'est tout full. Non, full, tu tombes, t'es mourant, t'es considéré comme mourant. Je suis mourant, ok. Bon, je tape alors. J'espère juste qu'on va me soigner derrière. Ou alors, je claque un point de chance pour faire un 12. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a cette option là, à savoir en prime que pour transformer un jet, je peux le faire même après, ça va. Donc je peux choisir de le faire si je fais une grosse merde. Si t'es au dessus justement, bah voilà, là tu vois, ça continue, tu continues à lui mettre des coups, il continue à t'en mettre. Attends, je réfléchis si je le passe en 12 ou pas. Ah, mais en même temps, si je tombe, je peux revivre avec un 12 et full life, donc limite Osef. Non, c'est bon. Bah, donc tu reprends 4. Je tombe là par contre. Hein. Je lui fous le coup de hache, il me tape et je tombe. Mais t'as pas d'armure? C'est vrai, je prends des coups de 4 et j'ai 2 d'armure. Oui, ça fait 3, il l'a enlevé l'armure déjà. J'ai 7 points de vie, hein, comme tout le monde. Je suis tombé. Et vous voyez Ricky qui met un grand coup de hache et le type en face va lever ses mains et les abattre les deux en même temps au niveau de ses épaules. Ricky va tomber à genoux et s'écrouler. Damer va relever la tête et vous regarder. Ah, enfin tranquille. Et c'est à toi, Daria. Il a l'air en quel état, Damer? Enfin, il est allumé quand même, hein. Il a des coups un petit peu partout, il pisse le sang. Ça n'a pas l'air de vouloir l'arrêter pour le moment, mais il a bien été entamé. Je tire au gun. Ah ouais, non, la barrière. Non, j'ai cru être une rescue. J'ai mon chalumeau allumé de la main gauche que j'agite un petit peu comme une torche devant une bête. Hein, et de la main droite, j'y balance un autre jus. Je dors pas de soins. Ah, c'est au contact les soins, mec. Et je sens pas mon attaché là. Ah oui, j'ai compris ça, effectivement, oui. Ok, alors attends. Je vais pas choisir le glitch. Comment sur un 7 ou un 9, ça marche d'une manière imperfecte. Et je choisis un effet, un glitch. Et le MJ choisit comment le glitch se développe. Ça dépend. Qu'est-ce que tu choisirais? Qu'est-ce que tu me proposes? Il faut que je regarde dans mon cadre règle. Voilà, jusqu'à maintenant, moi, pour moi, ça faisait des dégâts. Là, même sur justement un truc un peu. T'es pas à la perfection, ça faisait justement que tes dégâts passaient. Parce qu'en soi, juste un dégât, normalement, ça passe pas son armure. C'est magique hein, quand même. Hein. Je sais bien, normalement, ça passe pas son armure. Alors attends, il faut que j'ouvre le bouquin. Mais jusqu'à maintenant, pour l'instant, c'est passé. Pour moi, c'était ça, l'effet de ton truc. Et ben, en attendant que tu regardes, je vais demander à Edna ce qu'elle fait. Mais si j'ai bien compris, tu sors ton flingue. Ou cramé, là je suis plus au cac, je suis par terre. C'est vrai, il est allongé au sol. Il n'y a plus aucun risque de friendly fire. Sinon, je burn. Il n'y a plus de risque. Vas-y. Vraiment, ouais. On va te cacher avec Daria dans son cercle. Daria est dans son cercle, elle risque rien non plus. De ton ensemble, je ne sais pas, mais je pense qu'elle est un peu loin quand même. À moins que tu la vises elle, quoi. Mais... C'est ça, hein. Je t'ai pas entendu. Pardon, c'est taf pour le lance-flamme. Hein. Alors, c'est du combat, c'est toujours ton coriace pour casser la gueule, mais toi, tu le fais sous Word. Si j'ai bien compris. Oui, mais je pense que c'était plus pour les mouvements physiques, mais... C'est bon, j'ai trouvé, choisis-moi. Vas-y, alors fais-le pendant vas-y, que je regarde. Je dois choisir un effet et un pépin. Alors l'effet, c'est que ça lui inflige un dégât qui ignore l'armure. Et le pépin, c'est que je subis un dégât. Donc j'ai un contre-coup en fait. Ok, bah tu peux te mettre un dégât pour ce ouais. Coup-là. Pour les autres, c'est pas grave. Moi, je considérais justement que ça passait l'armure, c'était pour ça. Mais de manière générale... Je savais pas que t'avais un pépin comme ça. Effet, ça inflige bon. Toujours un dégât, quel que soit l'armure, le truc magique. D'accord, ok. Donc Edna. Alors je viens de regarder le coup d'utiliser Word. Ouais. Ça fait deux armes à close, obvious et en ignorant l'armure. D'accord ? C'est ça que ça fait. D'accord, que quand t'es vraiment juste au cac, donc si tu tires, c'est oui. Pas pareil. Ok. Je vais faire sous tough. Ouais. Voilà, ce qui est pas mal. Alors, ouais, tu vas pas te prendre de contre-coup, parce qu'en fait, entre le dernier assaut magique de Daria, et là tu allumes les flammes, il va vraiment partir d'un coup, comme une allumette. Il en est le premier étonné, en fait, tu le vois, toi, qui est assez près, sur son visage, et il va se regarder, il prend feu... Et d'un coup, il perd enfin son sourire et il commence à regarder vers la porte de sortie. Et il commence à s'éloigner un petit peu et il va finir par s'écrouler contre un meuble. Il roule à moitié contre le mur et il va se casser la gueule sur un escalier. Et il va arrêter de bouger. Le feu commence à prendre sur le meuble, sur le papier peint et sur l'escalier sur lequel il est. Il allait vers la sortie ou vers l'escalier ? Il se dirigeait vers la sortie en fait. Il s'est cassé la gueule, il a roulé dans l'escalier qui était un peu plus loin. Donc c'est pas l'escalier où on entendait les pleurs ? Pas du tout. Ok. Je dirais à Edna de continuer à le cramer pour être sûr pendant que je vais soigner Ricky. Si tu es d'accord, Edna, bien sûr, c'est un ordre. Hein, oui, je vais lui remettre un coup de. Voilà, oui. Histoire que c'est bien certain quoi. Oui, c'est ça. Et je fais un premier soin à Rikif. Ok. Là, par contre, il est bien, bien abîmé, hein, il est mourant. La magie, alors. Ouais, je pense qu'il faut, en passer par la magie. Hein. Hein ? Le premier soin ne suffit pas. Ouais, mais ensuite, sur la magie, tu disais quoi, Baron ? Bah, il faut en passer par là, donc sinon, ça suffit pas. Ouais. Mais tu peux tenter. Oh là là. Ouais. Il est doué, il est doué. Tu vas avoir d'un coup... Comme si tu revenais, t'es toujours très mal en point, hein, bien sûr. T'as toujours un grand besoin de soins, t'es toujours instable, mais tu reviens et tu sens que t'es vraiment, vraiment pas passé loin. Merci. Le feu est en train de prendre, mais alors ouais. Bien, surtout que Edna en rajoute. Une fois que je l'ai allumé, j'essaye d'éteindre le feu à côté, hein. Ah bah tu sais que c'est mort, tu n'éteindras pas le feu juste comme ça. Non. Tu essayes, tu commences à essayer, mais ça monte le long du papier peint. Tu sais, c'est ce genre de papier un peu comme de la moquette, de la toile qui est vraiment sur les murs. Oui. Ça prend très très vite, la baraque est en train de cramer. Je propose qu'on file à l'escalier, on a entendu des pleurs. Des pleurs ? Comment ça ? Bah il va les entendre, hein, s'il nous suit de toute façon, donc... Il va avoir du mal à vous suivre, Larry. Il faut que quelqu'un le fasse sortir. Il n'arrive pas à se bouger lui-même. Mais je l'aide à avancer. On va à la cuisine, on ouvre la porte vers l'escalier. S'il faut, ben moi, pendant que vous allez voir en bas, c'est une cuisine, il y a un robinet. Oui, bien sûr. Ben je l'ouvre et je fais des grands sauts d'eau, j'essaie de bien y avoir un torchon quoi. Tu sais, je mouille un torchon, je l'humidifie, j'essaye de faire. Je sais que ça va pas tenir longtemps, mais de ralentir le feu au niveau de la cuisine, histoire de gagner un petit minimum de temps. Ok, vous allez entendre des hurlements qui viennent du bas, hein, des appels à l'aide. Au secours ! À l'aide ! Vas-y, Edna. Je descends avec le gun pointé au cas où ce sera okay. Un leurre. Tu descends. Dans ce cas-là, je laisse Ricky faire le truc avec le torchon humide et je descends avec Edna. Il peut pas, Ricky. Hein. Tu peux le laisser là, mais il peut pas. Il peut tenir, oui, mais tu sais que ça servira à rien. Mais tu peux descendre avec Edna. Alors ça fait gagner 5-10 secondes. Tu peux toujours être bien dans cette situation. Ça marche. Donc, Ricky, tu es en train de te vider de ton sang avec un torchon humide. Pendant que les deux autres descendent sans problème, vous allez arriver je me tiens sur ma hache comme ça. C'est... D'ailleurs, ça commence à fumer beaucoup, donc tu tousses encore plus. Les deux autres, vous descendez dans cette cave, vous sentez tout de suite l'humidité qu'il y a, et vous voyez en bas de l'escalier, alors que vous entendez toujours ces appels à l'aide, ça a été inondé. Comme si il y avait un ballon d'eau chaude qui a pété ou quoi, mais en tout cas ça s'est bien rempli. Vous allez descendre dans ce qui vous arrive à peu près au genou de flotte pour voir un petit peu plus loin qu'a été attaché un tuyau, un système de tuyaux. Ça a l'air d'être la chaudière qui se trouvait là. Et avec une chaîne, il y a Tibi Dammer qui est là. Il a le visage tuméfié, il a été grandement tabassé. Vous le voyez à sa tête, il est déjà traumatisé, il est pas bien. Quand il vous voit arriver avec un flingue, il essaye de se cacher derrière le tuyau. Et un peu plus loin, en train de flotter, il y a le corps de sa maman. Je regarde Edna, l'air de dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Qu'est-ce qui se passe ? Dépêchez-vous, le feu, il part, il arrive ! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais sauvez cette personne! Il est parti! Il y a ma petite sœur en haut! Qu'est-ce qu'il a fait à ma petite sœur? Qu'est-ce qu'il a dit? Bon, on sait pas, on l'a pas vu. Moi je. Daria referme la porte doucement. Ouais. Avec le chalumeau, je brise la chaîne. Remontez vite, il y a le feu, on se barre. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Ah bah tu vas l'entendre, vous allez devoir l'aider hein, lui aussi à partir, il s'est fait clairement tabasser, et pas qu'une fois. Et vous allez le traîner en dehors et il va vous supplier, il va vous dire « Viens ma petite sœur à l'étage !» Pardon, attention, dès qu'on est dehors, moi je le porte et je le fais passer par le seau que j'ai mis dehors, voir s'il le passe ou s'il est bloqué. Et d'accord, bravo, j'aurais fait pareil. Attends, moi j'ai entendu qu'il y a une petite sœur en haut, moi je suis désolé, mais je rampe sur ma hache. Il le passe sans problème, hein, le saut. Ok. Je rampe sur ma hache, mais je cherche... Il est où l'escalier pour monter ? À mon avis, tu marches dans les flammes, là, en fait. Eh ben, il est plein de flammes, effectivement, étant donné que il se trouve là où le corps a été cramé. Ah, c'est cet escalier-là. C'est l'escalier qui monte à l'étage. Est-ce que dans ma mort, j'ai eu le droit à une illumination ? C'est-à-dire ? Un pouvoir qui s'est déclenché en moi ? Non, absolument pas. Je vais... Est-ce qu'on peut approcher le van de la maison pour monter sur le van pour atteindre la fenêtre d'en haut sans passer par l'escalier ? Il faut tenter pour ça. Ouais, allez. Tu vas me faire un agir sous pression, s'il te plaît. Ricky, qu'est-ce que tu fais, toi, de ton côté ? T'es resté à l'intérieur. Tu vois que l'escalier, il est pris par les flammes. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas passer. Mais il est pris par les flammes. Oh non, mais moi, je peux pas laisser une gamine. Non, je suis pas sous pression. Donc, tu vas me faire un test de coriace si tu essayes de passer les flammes pendant que Edna prend le véhicule et, en fait, va juste l'encastrer dans un mur. Va y avoir le choc hein, du véhicule. Ouais. Il est pas détruit, mais tu l'as bien allumé quand même. T'es dans la panique, t'as démarré et tout en trombe, t'as commencé à t'avancer. Il fallait que t'écrases de toute façon la barrière autour parce que ce n'est pas fait pour que ta bagnole passe jusque là. Mais tu vas juste foncer dans le mur. La bagnole encore. Impeccable. Et pendant ce temps-là, alors Ricky, t'en étais où de tes blessures ? Ah, je suis aux portes de la mort. Hein. Mais tu avais reçu les soins magiques, oui, tu étais revenu. C'était un soin de combien que ça faisait ? Je demanderais. Alors, ça élimine un dégât. Voilà. La magie qui est cancée. Voilà. Donc voilà, bah oui, bah je m'en fous, j'ai quand même foncé à travers les flammes. Hein. J'ai dit que je le faisais, okay. Alors, 7, ça reste un succès. Donc, les soucis viendront plus tard. Permets-moi juste un petit moment de prendre une petite note. Sinon, je vais oublier de te faire des misères, ce serait quand même dommage. Oh bah, je t'en prie, hein, fais donc. Contrecarré par tempérament héroïque, quand même. Alors... Tu vas réussir à passer. Tu passes vraiment à travers ces flammes et t'as un boost en fait, finalement. Tu grimpes en haut. Il y a un long couloir avec plusieurs portes sur les côtés. Tu vas juste traverser l'endroit assez rapidement jusqu'à trouver une chambre et ça a l'air d'être une chambre de bébé. Ou en tout cas de tout petit. Et dans un berceau. Tu vas voir, il y a un tout petit enfant. Peut-être, maximum 2 ans. Dans une petite layette rose. Ok. Bah, à toi de me dire, tu peux rester là à la regarder, lui chanter une chanson. Mais non, je la prends, je l'emballe. Dans le landau où elle est et je la porte. Hein. Je l'emballe, je fais un paquet, hop, UPS. Et je trouve une fenêtre la plus proche, peut-être si vraiment j'ai de la chance, trouver là où ils ont encastré la bagnole pour sauter sur le toit de la bagnole. Alors, tu vas me dire. Haut ou bas ? Hein ? Haut ou bas ? Haut ou bas ? Ouais. Comment ça, haut ou bas ? Bah, j'en sais rien, haut ou bas. Non, t'es pas du bon côté. Bah tant pis, si les flammes sont là, j'ai plus le choix ou ça se passe comment ? Alors, pour redescendre, non, il n'y a pas de flammes par les fenêtres, ça c'est certain. Par contre, pour redescendre, t'es obligé de repasser par les flammes. Non, pas pour redescendre par là, mais je veux dire, les flammes arrivent ou j'ai le temps de chercher une autre fenêtre, c'est ça en fait la question. Si les flammes sont trop tard, tant pis, je me trouve une fenêtre et je me jette par la fenêtre avec le gamin, mais je le protège le gamin. Alors on va faire un... Tiens, on va encore saccager ce magnifique plan. Donc les flammes ont pris principalement par là. Donc c'est de là que ça vient, forcément. Ouais. Le couloir que tu as traversé est ici, à l'étage. Tu es dans la chambre du fond. Ouais. Donc la fenêtre que tu as vue pour le moment, c'était celle-là à peu près. Tandis que la voiture est crachée ici. Bah, t'es à l'étage, donc ouais, il y a peut-être 4 mètres. Là-bas ? Ouais. Ouais, non, j'y arriverai jamais avec les feux. Je sais pas, je trouve un. Ça va me rappeler je trouve la chambre peut-être d'un des deux, d'un des parents. J'ouvre la fenêtre, je jette un matelas et je saute sur le matelas. Ok. Tu vas y arriver. Bien sûr, dos, le gamin, je le tiens dans mes bras et je saute sur mon dos, hein, bien et sûr. Je ne veux pas écraser personne. Et vous allez vous trouver tous les trois devant cette maison en train de cramer. Ricky, tu vas rejoindre donc tes camarades. Ouais. Et vous avez le petit Tibi Dammer qui est vraiment mal en point. Mais je l'ai soigné moi pendant tout ce temps. Hein. Oui, tu as pu. Si tu veux quand même. Moi, je demande à Daria de passer le bébé par le. Alors attends, parce que. Alors je propose qu'on laisse le bébé à Tibi parce qu'on ne va pas ramener le bébé à la maison. Attendez. Attendez. C'est sa petite soeur. Hein, c'est... Vous êtes avec Tibi Dammer qui, malgré qu'il ait été soigné, il est mal en point. Ricky, tu as réussi à faire ton truc. Tu as réussi à sauter avec ce bébé pour te rendre compte en bas que le bébé est mort. Apparemment, il s'est étouffé dans les fumées du feu avant mais putain que tu puisses l'attraper. À toi de savoir si tu veux remettre le corps à Tibi qui a été attaché dans une cave pendant un moment avec sa maman décédée, tout de suite. Ou si tu veux gérer ça autrement. Je suppose qu'il n'y a aucun moyen de le ranimer, de toute façon, donc... Je te laisse lancer 2d6 si tu fais un 12. Attention. Attention, t'es capable de me faire craquer un point de chance pour ça. Hein. Parce que je vais le lancer, et si ça me plaît pas, je vais utiliser un point de chance. Hein. Le massage cardiaque sur un bébé, c'est compliqué. Hein, donc tu lui brises un peu la cage thoracique. Non. Est-ce que je vais avec deux doigts. Je vais claquer mon point de chance. Hein. Ah mais c'est l'élu, il a de la super force. Il n'a pas maîtrisé. Tu peux, si tu souhaites, claquer ton point de chance. À savoir, comment ça va prendre forme, dis-moi. Si tu claques ton point de chance ou pas, je te dis ce qu'il se passe. Fais chier. J'ai pas le choix, hein. Non, je peux pas avoir fait tout ça pour rien. Ça, non, je fais un 12, c'est tout. Je claque le point de chance. Alors que tu constates l'état du bébé, que tu sais pas, t'étais un peu paumé, et puis surtout que tu vois le jeune qui est un peu plus loin et tout, tu vas entendre des bruits de pas qui arrivent. Et tu as toute une bande de type armé qui débarque. Mmh. Je les osef totalement. Hein. Pour l'instant, je suis les Sauf yeux sur le gamin. Sauf qu'il y en a un qui s'approche de toi. Allez, donne-moi ça. Et tu reconnais la voix. Il va retirer sa cagoule. Je vais le tuer. Et il va te prendre l'enfant des mains. Et effectivement, il va lui faire un massage cardiaque. Et l'enfant va être sauvé. Tu vas entendre de la petite respiration qui reprend. Bon, eh bien finalement, tu n'es pas complètement à bon à rien. Même si j'aurais préféré des méthodes un peu moins spectaculaires. Je m'écroule. Daria en a profité pour s'éclipser. Ouais, par contre, pendant que Edna baignait la bagnole et que Ricky bouffait des flammes, est-ce que j'ai pu avoir 2 secondes pour parler à... Bien entendu. Je lui dirais que son père était, de par ses crimes, son père a réussi à devenir Wendigo, un monstre surnaturel, qu'on a réussi à le vaincre. Je lui expliquerai comment les vaincre, je dirais le suivre, chaleur intense, et que c'est pas parce qu'il a eu un père affreux qu'il est obligé de tourner pareil qu'il a ses chances. Et dès que je vois approcher des silhouettes de gars avec des crânes peints sur leur masque, c'est bisous, je m'envole. Je m'envole. Donc Daria tape son sprint, saute par-dessus la barrière d'un air athlétique et récupère sa moto. Enfin, j'imagine que tu pars avec la moto. Ouais, ouais. Okay. Bah, le van, je suppose que ça va être difficile. Le van, il est baigné. Alors, non, techniquement, il peut rouler encore, c'est ce que je disais. C'est, l'avant est bien baigné, hein, il n'y a pas de souci, mais il roule encore. Donc je vais pas laisser Ricky tout seul. Hein. Ouais, Ricky, lui, il tombe sur ses genoux face à son papa, qui pousse un soupir. Alors Edna, tu ne saurais dire si c'est un soupir de dédain ou pas. Toujours est-il que tu as ce monsieur qui tient le bébé. Bon, eh bien, on va nettoyer tout ça. Il fait un signe à ses hommes qui vont aller essayer d'éteindre le feu. C'est quand même pas Monsieur Beck, je suppose. Vous êtes Monsieur Beck. Et vous êtes Miss Ravenwood, c'est ça? Mais oui. Et il va te tendre le bébé. Mais moi, je sais pas m'occuper de ça. Je sais m'occuper des chats, mais je sais pas m'occuper de ça. Il faut l'emmener... Je vais vous donner l'adresse. Oui. Il y a une clinique. Pour le moment, l'hôpital est en plein nettoyage. Et puis, emmenez celui-là aussi. Il fait un signe vers Tibi. Je m'occuperai moi-même de Richard. C'est quand même pas un Wendigo, le bébé. Le cercle vérifie. Eh oui. Vous préférez que nous en finissions tout de suite avec cet enfant? Non. Tu vois la tête de Tibi à côté qui se décompose. Bon, allez, viens, Tibi, on y va. Je vais quand même vérifier dans le cercle ce que je voulais faire dès le début. Vérifier si cet enfant est un Wendigo ou pas. Pas du tout. C'est soulagé que je vais prendre le van avec moult précautions et ouais, repartir cas à cas vers le lieu qu'on m'a indiqué. Effectivement, il t'a indiqué un endroit où tu trouveras une espèce de clinique de fortune, avec des tentes, avec toujours ces hommes qui sont là. Tu hésites entre le groupe paramilitaire et la sécurité privée. Ouais. Mais en tout cas, ils ont l'air d'avoir investi plusieurs coins comme ça. Et on c'est va arrêter là pour ce soir, je pense. Pardon, c'est clairement ceux qui étaient à l'hôpital. Ah oui. Okay. Je vais pas faire réveiller Ricky pour qu'il voit son père, il a déjà vu sa mère. Oui, on se suffit, le pauvre. Non, tu peux me réveiller, hein, mais disons que là, c'était avec... l'adrénaline est passée, disons. J'ai vu en plus ce visage que je n'avais vraiment pas envie de voir dans cette situation, même s'il a réussi à sauver le gamin. Non, là, c'est bon. Là, je me suis évanoui après. Alors, je remets les choses en contexte. C'est ta chance, Ricky, qui a réussi à sauver le gamin. Ah oui, bien sûr. Non, mais j'ai bien compris. Mais avec tous les coups qu'il a pris, il est aux portes de la mort. Je m'évanouis vraiment. Hein, c'est... Parce que ma blessure est ouverte encore, hein, donc... Oui, t'es toujours pas stable. Hein. Je pisse le sang, là, hein, je vais crever bientôt. De nouveau. J'aurai peut-être les yeux qui vont s'ouvrir par moment, mais je suis décomposé, quoi. On va se faire soigner sur place, là où on va. Oui, vous pourrez être soigné. De toute façon, ce mystère est terminé. Donc, la prochaine fois, vous recommencez avec une santé complètement full. Et avec l'XP que vous avez pu gagner à droite à gauche, effectivement. Et on n'a même pas encore eu la fin, et hop là. Ah si, pour le coup, c'est fini, ça va. Parce que... comme ça, tu finis dans les vapes, c'est ça? Okay. Ouais, ça finit là-dessus, parce que je peux vous parler par rapport au mystère de ce qui se passe ensuite. Hein. C'est-à-dire que il va y avoir beaucoup de morts. Mine de rien, ils n'ont pas fait dans la dentelle. Beaucoup de morts du côté de l'hôpital, ça a été nettoyé, clairement. Il y a eu des descentes, il y aura des histoires justement un petit peu étranges de groupuscules armés qui débarquent à certains points de la ville pour aller, on parle de kidnapping, d'enlèvement, de tout ce que tu veux. Mais il y a des gens qui ont été pris et embarqués. Et pour la plupart, on ne les reverra jamais. L'incendie de la maison, tout va être mis sur le compte de Dahmer qui s'est échappé de prison et qui était venu régler ses comptes avec sa famille. Son fils, traumatisé pour longtemps, qui a vu son père le molester longuement, parce que ça fait quelques jours déjà qu'il était là, et qu'il le martyrisait clairement, parce que pour lui, son fils était une lavette et pas assez fort pour se défendre lui-même, et il fallait qu'il apprenne à la dure, comme lui-même avait appris dans sa jeunesse. Sinon, qui d'autre? Bah, le garde forestier, lui, qui va rester un petit peu en contact avec toi, Daria. Ça reste un informateur supplémentaire maintenant. Il fait partie des contacts qui pourront peut-être vous filer un coup de main. Je lui préviendrai hein, qu'on a réussi à tuer Dahmer pour de bon et que on a sauvé ses deux enfants qui étaient innocents et qui ne sont pas des Wanigo. Ouais, ça marche. Et je le remercierai de sa confiance parce que c'est grâce à lui qu'on a pu avoir ce tuyau et ainsi faire ce qu'on a pu. Et pour ta passagère clandestine, Edna. Oui. Comment tu gères cette mâchoire du coup? Bah, pour l'instant, si elle est bien, la mâchoire, je la laisse à la maison. Et je vais me renseigner sur ce qu'il faudrait faire. Est-ce qu'il faut qu'elle ait une sépulture est-ce qu'il faut... Voilà, je vais me renseigner sur... Je vais demander à Daria de m'aider pour trouver la meilleure façon pour qu'elle puisse reposer en paix. Mais pour l'instant, je vais garder la mâchoire à la maison. Et moi, ça ne me gêne pas trop. Ça me fait de la compagnie. Quelqu'un à qui c'est parler. À toi de voir, parce que pas besoin de jet pour ça, tu le sais. Si tu enterres cette mâchoire avec le corps, ou même possiblement si tu l'enterres proprement avec avec les bons rites, tu peux faire partir cet esprit. Après, pour le moment, elle en elle-même, elle a quitté le lieu dans lequel elle était bloquée. Elle n'est pas super pressée de partir. Ouais, pour l'instant, je vais la garder un peu, voilà. Le temps que je trouve, que je comprenne comment faire au mieux. Voilà. Ça peut être un atout dans notre... Et puis moi, je te dis, je me sens moins seule, quoi. Ok. Et là, du coup, la prochaine fois, je commencerai donc le prochain mystère avec Ricky, qui a une petite discussion avec son papa. C'est pour ça que je disais que ça s'arrêtait là. Parce que même si les répercussions de cette affaire sont là, il y a aussi des trucs qui sont venus s'y ajouter. Je pense qu'effectivement, j'aurais besoin d'une discussion avec lui. Il est venu t'aider. Je n'ai pas envie, mais... Je te trouve assez ingrat avec tes parents, quand même. Sûr. Ils m'ont toujours caché ce pan de leur vie. S'ils m'en avaient parlé plus tôt, j'aurais peut-être pu mieux se comprendre. Donc oui, je suis assez ingrat, effectivement. Salaud. Et puis il avait l'air beaucoup mieux équipé que moi, hein. Il aurait pu un peu me soutenir dans ma cause. Hein. C'est peut-être. Si je le savais, t'inquiète. si j'avais su ça. C'est peut-être ce qu'il fait en sous-main depuis longtemps, tu ne sais pas. Hein. Et puis mieux équipé. Je te rappelle, monsieur, que lui, il s'est fait lui-même. Hein. Il n'a pas eu des parents riches comme les tiens. Mon cul, ouais. C'était bien cool. Il a économisé chaque centime pour monter son armée privée, ok. Finalement, je veux bien reprendre l'affaire familiale. Ah bah oui. Nous aussi, on veut bien la reprendre. Allez, il est temps de couper. XP. It's a XP. XP, XP. Ah bah XP, c'est vous qui l'a noté, hein. Mais oui, vous pouvez prendre vos améliorations.